Lord is so wonderful. This our message here is for all of us. Unsere Botschaft hier ist für uns alle. Le message est pour nous tous. Amen. Our message here is always for all of us. Unsere Botschaft hier ist immer für alle. Amen. And please, sometimes the Lord gives me names. Sometimes I don't call, but sometimes I call. Manchmal gibt mir der Herr Namen und ich nenne diese Namen, aber manchmal auch nicht. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Today is our Thanksgiving Day. Heute ist unser Danksagungstag. Amen. Amen. Amen. Aujourd'hui c'est notre jour de action de grâce. A reminder of thanking the Lord 24/7. Eine Erinnerung daran, den Herrn 24/7 zu danken. C'est pour nous rappeler qu'on doit être reconnaissant. The Lord wants us to be thanking Him always. Der Herr will, dass wir ihm jedes Mal danken. Le Seigneur veut que nous soyons toujours reconnaissants. He wants us, you know, the reminder. That's why I love Christmas. Deswegen liebe ich Weihnachten. C'est une rappel pour nous, c'est pour cela que j'aime le Noël. Amen. It's a reminder that our Christ is born. Es ist eine Erinnerung daran, dass unser Christus geboren ist. Amen. C'est un rappel que Jésus-Christ est né. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It is a reminder of our daddy is born. Es ist eine Erinnerung daran, dass unser Vater geboren ist. C'est un rappel que notre Père est né, que notre Sauveur est né. Remind us of our salvation. Es erinnert uns an unsere Rettung. Ça nous rappelle à notre salut. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Christ's birth is really a victory. Die Geburt von Christus ist wirklich Erfolg. La naissance de Jésus-Christ est vraiment une victoire pour nous. Amen. Amen. You know, everything of Christ always confuses Satan. Alles von Christus verwirrt den Satan. Parce que tout ce qui vient de Jésus-Christ déstabilise ou perturbe le diable, pardon. That the whole God can become a baby to save people. Ein ganzer Gott ein Säugling wird, um Leute zu retten. Le fait que un Dieu devient un bébé pour sauver le monde. You know, he cannot understand it. Er kann das nicht verstehen. Il peut pas le comprendre. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Today we're going to the designing of spirit. Heute gehen wir über das Thema mit dem Geister erkennen. Aujourd'hui on va parler de unterscheiden genau. Amen. De comment distinguer les esprits différents. We have to know the spirit that is speaking all the time. Den Geist, der spricht, erkennen können. On doit toujours on doit être capable de reconnaître l'esprit qui est en train de parler. Amen. You know, especially with words. Besonders mit Worten. Surtout à travers les mots. Amen. Amen. Just like Peter spoke to Jesus, you will not die. Genauso wie Jesus zu Petrus gesprochen hat, wie Petrus zu Jesus gesprochen hat, du wirst nicht sterben. Comme par exemple Pierre avait dit à Jésus-Christ que tu ne vas pas mourir. And Jesus rebuked Peter. Und Jesus hat Petrus sozusagen rebuked. Verweigert. Ouais. Et mais Pierre, non, mais Jésus-Christ a rejeté Pierre parce que il a vu que ses paroles étaient charnelles et qu'ils ne venaient pas de l'esprit. You know, in Proverbs 18. Let's go to Proverbs 18. Proverbe 18. Sprüche 18. Proverbe 18, 21, 21, papi. Are we there, please? Are you there? Mm-hmm. He said, death and life are in the power of your tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. You get it? Mm-hmm. Death and life. There's no number three. La mort Tout et und la Leben. Vie. Es gibt keine Nummer drei. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se reprendre en parole mangera les fruits qu'elle auront. Produit. Il y a seulement deux possibilités, la vie et la mort. Il y a pas une troisième option. He said, they that love it, it shall eat the fruit thereof. There is a fruit in your words. Es gibt eine Frucht in deinen Worten. Amen. Donc il y a un fruit dans ta parole. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Christ or Satan is going to speak through people. Christus oder der Satan wird durch Menschen sprechen. Donc soit c'est Jésus-Christ ou le diable qui parle à travers les personnes. Amen. Amen. And it is a pity that it is Satan that speaks more through people than Christ. Und es ist traurig, dass der Satan mehr durch Leute spricht als Christus. Et c'est triste que c'est plus qu'on entend plus parler le diable à travers les gens que Jésus-Christ. Because people refuse to submit to Christ. Weil Leute sich weigern, sich Christus hinzugeben. Parce que les gens refusent à se soumettre à Dieu, à Jésus-Christ. To speak Christ, you have to submit to Christ. Um Christus zu sprechen, musst du dich aber erstmal Christus ergeben. Pour pouvoir parler comme le Christ, pour pouvoir parler du Christ, faut d'abord se soumettre au Christ. I'm not saying positive words. Ich rede nicht von positiven Denken oder positiven Sprechen. Et je parle pas de paroles qui encouragent les gens ou des belles paroles. I'm talking about Christ speaking through you. Ich spreche da über Christus, der durch dich spricht. Mais je parle de Jésus-Christ lui-même qui Christ is not positive ways. It's not positive thinking. Christus ist nicht das positive Denken. Parce que Jésus-Christ n'a rien à voir avec le bien de ce monde ou alors avec les pensées positives de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. Positive thinking and speaking, they are of the flesh. Positives Denken und Sprechen ist aus dem Fleisch und das bringt nichts. Parce que des pensées et des paroles positives, tout ça c'est charnel et ça et la chair nous sert à rien. We first be going into the gift and the fruit of the Spirit. Wir gehen erstmal in die Gaben and then the fruit. Und die Frucht des Geistes. On va parler des gifts, des cadeaux ou des dons et des fruits de l'esprit. You get it later. Amen. Gaben. There's a difference between the gift and a fruit. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Gabe und einer Frucht. Il y a une différence entre un cadeau et un fruit. The Holy Ghost comes with his gifts. Der Heilige Geist kommt mit seiner Gabe. Le Saint-Esprit vient avec ses dons. Amen. You have to plant the seed before you get fruit. Du musst aber den Samen erstmal pflanzen, bevor es eine Frucht gibt. Mais tu dois d'abord planter un grain avant de recevoir le fruit. You have to plant the truth before you can have the fruit. Du musst die Wahrheit pflanzen, bevor es eine Frucht daraus gibt. Donc tu dois d'abord planter la vérité avant de recevoir les fruits. Praise the Lord. Amen. Amen. The signing of spirit is one of the gifts of the Holy Spirit. Das Unterscheiden der Geister ist eine Gabe des Geistes. Mais le discernement des esprits est un des dons du Saint-Esprit. If you belong to Christ and you submit to the Holy Spirit, you already have it. Und wenn du zu Christus gehörst und dich dem Heiligen Geist hingegeben hast, hast du diese Gabe schon. Et si tu appartiens à Jésus-Christ et que tu t'es soumis à Jésus-Christ, tu l'as déjà ce don. I mean, if you are really born again and baptized in the Holy Ghost, you have all the gifts of the Holy Spirit. Wenn du wirklich wiedergeboren bist im Namen von Jesus Christus und getauft bist im Heiligen Geist, dann hast du all diese Gaben, nicht nur eine davon. Et si t'es vraiment né de nouveau et t'es baptisé dans le Saint-Esprit, tu as déjà tous les dons du Saint-Esprit, pas seulement un don, mais tous les dons que le Saint-Esprit a, Christ, tu les possèdes aussi. Christ coming into your life, he comes with everything he has. Wenn Christus in dein Leben kommt, kommt er mit allem, was er hat. Parce que si Jésus-Christ vient dans ta vie, se manifeste dans ta vie, he will not give you one and leave others. Er gibt dir nicht eine Sache und lässt den Rest zurück. Il va pas seulement te donner un de ses dons et garder les autres dons pour lui-même ou quoi que ce soit. Praise the Lord. Alléluia. Go to 1 Corinthians 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Praise the Lord. From verse 1 to 11. 1 to 11. Sorry. Verset 1, 11. He said, now concerning the spiritual gifts. You see that? Spiritual gifts. Die geistlichen Gaben. Manifestation de l'esprit. Amen. Amen. He said, brethren, I would not have you ignorant. You are not to be ignorant about the gift of the Spirit. Ihr sollt nicht ignorant sein gegenüber den Geisteswirkungen, gegenüber den Geistesgaben. Dans la première version, on voit qu'on ne doit pas être ignorant concernant la manifestation des esprits. You have to know how to live it and learn. You learn how to live it and walk in it. Du musst wissen, wie du diese lebst und in ihn wandelst. Ouais, donc on doit savoir. Tu dois savoir comment vivre en esprit et comment marcher dans l'esprit. You have all the gifts. If you belong to Christ, if you submit to him fully. Du hast all diese Gaben, wenn du dich Jesus Christus hingibst. Tu as tous les dons de l'esprit si tu es vraiment du Christ, si tu es vraiment un enfant de Dieu. And you have to be aware of what you have. Und du musst dir bewusst sein, was du hast. Et tu dois être conscient de ce que tu possèdes. Don't be ignorant of what you have. Sei nicht ignorant gegenüber dem, was du besitzt. Donc n'ignore pas les choses que tu possèdes. Know what you have. Wisse, was du hast. Tu dois être au clair. And use it always. Und nutze ständig. Et tu dois toujours l'étudier. Use them always. Nutze es immer. Tu dois toujours l'étudier. Allow them to flow always. Lass du sie immer fließen. Ça da, flow. Permet que ça coule toujours à travers toi. And that's why the Bible says, prove all things, always. Deswegen sagt die Bibel auch, prüfe alles ständig. C'est pour ça la Bible nous dit qu'on doit toujours juger les choses, on doit toujours vérifier les choses tout le temps, à chaque moment. He is talking about the gift of the Spirit. Er spricht über die Gaben des Geistes. Sie sollen ständig in deinem Leben funktionieren. Là, il parle de la manifestation de l'esprit. Il parle des dons de l'esprit. Il doit toujours être présent dans ta vie et toujours fonctionner dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Verse 2, he said, you know Merci that Dieu. You were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as you were led. Wherefore I give you to understand that no man speaketh by the Spirit of God, calleth Jesus a God, and that no man can say that Jesus is Lord, but by the Holy Ghost. Praise the Lord. Yeah. It is not just saying. You say it and you act on it. Es geht hier nicht nur um das bloße Aussprechen. Oder bloß auch ablesen, sondern es geht um das Sagen und es wirklich meinen. Donc on peut voir qu'il ne s'agit pas seulement de l'expression, mais seulement aussi de vivre selon ce qu'on dit. Remember what Jesus said. He said, you worship me with your lips, but your heart is far from me. It's not just saying. You allow it. You allow your heart to belong to him and you act on it. Jesus hat gesagt, sie dienen mir mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist sehr weit weg von mir. Es geht nicht nur darum, dass du mit deinem Mund aussprichst, sondern auch wirklich deinem Herzen glaubst. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas seulement de le confesser avec sa langue, mais pas de vivre selon ça. Donc, si on le dit avec nos paroles, on doit aussi, nos actions doivent aussi suivre. Amen. Amen. That you say Jesus is the Lord. Does not mean you are saved. Dass du sagst, Jesus ist Herr, heißt nicht, dass du gerettet bist. Juste parce que tu dis que Jésus-Christ est ton Seigneur, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Amen. Amen. But that is what so many religions, people in religion, they are going to say. If you just say it alone, it's enough. No, it's not saying it alone. Jesus said, you worship me with your mouth, but your heart is far from me. Jesus sagt, ihr dient mir mit euren Lippen, aber euer Herz ist weit weg von mir. Und das sehen wir überall, diese Beispiele von Menschen, die einfach nur eine Maske tragen oder einfach nur Dinge sagen, aber sie nicht wirklich meinen. La religion, par exemple, est se contente de dire, oh, Jésus-Christ est mon Seigneur, mais... Leurs actions ne suivent pas. Mais Jésus-Christ lui-même dit que c'est possible peut-être que vous me servez avec vos bouches, mais vos cœurs sont encore très très loin de moi. From verse 4 now, please. It said, yeah. Now verse there 4. Are diversities of gifts, but the same Spirit. You get it? Mm-hmm. Verse 5. And there are differences of administration, but the same Lord. Mm-hmm. And there are diversities of operations, but it is the same God, which worketh all in all. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But the administration of the Spirit is given. But the manifestation, verse 7, of the Spirit is given to every man to profit with all. Amen. For one is given by the Spirit the word of wisdom. You can see all the gifts. He's talking about the gift of the Spirit, the different gift of the Spirit, wisdom. Es geht hier um die unterschiedlichen Gaben des Geistes, Weisheit. Ici, il s'agit des différents dons de l'esprit. Par exemple, la sagesse. The knowledge. You see this. La connaissance. Amen. Amen. Christ is our wisdom. That's 1 Corinthians. He is also our knowledge. Christ ist unsere Weisheit. Er ist auch Because you have him already. La Bible nous dit que le Christ est notre sagesse, mais il est aussi notre connaissance. You have already all the gifts. Wir haben alles schon, all die Gaben. Ouais, et on peut voir qu'on a déjà tous ces dons là, parce qu'on a Jésus-Christ. Verse 9. To another faith by the same Spirit. You have faith in Christ. Wir haben Glauben in Christus. Ouais, on a la foi en Jésus-Christ. To another the gift of healing by the same Spirit. Do you see it? Then 10. To another the working of miracles. That somebody can be saved and you preach to somebody and that person can come to Christ, it's a miracle. It's not predigt, about what man called miracle. Und jemand wiedergeboren wird, ist ein Wunder. Es geht nicht um das, was diese Welt Wunder nennt. Mm. Mm. Par exemple, là aussi on voit qu'il y a d'autres personnes, ils ont reçu le don de prophétiser ou de faire des miracles. Mais pour nous, les enfants de Dieu, on doit être déjà conscient que, par exemple, être né de nouveau, c'est déjà un miracle pour nous, pour les enfants de Dieu. That you are saved is a miracle. Dass du errettet bist, ist ein Wunder. Avoir son salut, c'est un miracle. Remember the Spirit of God now in your heart. Der Geist Gottes ist jetzt in deinem Herzen. Mm. Und das ist mehr als gut, das ist übernatürlich. Mm. Parce que l'Esprit de Dieu est maintenant dans ton cœur, et ça, c'est quelque chose de surnaturel. It is a miracle for us to be born again. Es braucht ein Wunder, wiedergeboren zu werden. Und das ist das größte Wunder. Donc on peut même dire que, j'allais même plus loin et dire que c'est le plus grand miracle qui existe, d'être né de nouveau. Is somebody getting it? Est-ce que vous comprenez? Then to another prophecy. Prophecy is not about vision, it's about it's about the message. The truth that is being revealed, that you now believe Christ. That is your prophecy. Und diese Prophezeiung liegt nicht in irgendeinem Wahrsagergeist oder sonstigem, sondern es geht um die Offenbarung von Jesus Christus, die wir prophezeien sollen, die wir aussprechen sollen, verkündigen sollen. Et quand ici dans le verset 10, on parle de prophétiser. Prophétiser de... C'est rien d'autre de prêcher Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'avoir des visions du futur ou quoi que ce soit, mais c'est d'être capable de prêcher la parole de Jésus-Christ. Your vision, you know, your vision, they prophesy, your prophet, you know, they prophesy, you know, they see vision. But now we reveal the truth to the people. That's the prophecy. Nach der alten Prophezeiung haben Leute versucht, Menschen ihre Zukunft vorauszusagen, danke. Und aber jetzt geht es um Jesus Christus. Er ist diese Vision. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les prophètes, ils avaient toujours des visions. Mais aujourd'hui, il s'agit plus d'avoir des visions, mais plutôt de révéler la vérité aux gens. It's like the old miracles. You know, the old miracle was about raising the dead, healing the sick. You know all this. That was the old miracle. And Jesus used it when he rose Lazarus from the dead. But actually, Jesus was revealing to us things of the Spirit. How we were once dead and now we will be alive. Amen. I don't know if you are getting it. Oder auch die Wunder, die passiert sind, die früheren Wunder, die passiert sind, wo beispielsweise Jesus Lazarus von den Toten erweckt hat, das war auch ein Wunder, aber es sollte uns auch zeigen, dass später Menschen, die wirklich tot sind, nämlich geistlich tot sind, auch verweckt werden können, egal wie lange sie tot sind, egal wie lange sie ohne Jesus Christus gewesen sind. Aussi, par exemple, aussi dans l'Ancien Testament, quand on parlait des miracles, de la guérison des malades, ou alors ou alors si on prend par exemple quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare, c'était aussi un indice, c'était aussi, on peut dire, une prophétie pour nous montrer que un jour, nous tous, on sera ressuscités, parce que on est tous ressuscités quand on a eu notre salut. We are no longer dead because of this, because of Christ's spirit in us. Wir sind nicht mehr tot, wegen dem Geist von Christus. And now we are alive. Wir waren früher tot, aber jetzt sind wir am Leben. On est en vie maintenant parce qu'on a l'esprit de Jésus-Christ en nous. On était mort, mais maintenant comme on a Jésus-Christ, on est en vie. Praise the Lord. Alléluia. Then to another designing of spirit. You see there. Mm-hmm. It is one of the gifts of the spirit. Einem anderen Geistes zu unterscheiden. Es ist eine Gabe des Geistes. À un autre de distinguer entre les esprits. Là, on peut encore une fois voir que c'est vraiment un don du Saint-Esprit. Amen. To another diverse kinds of tongues. To another the interpretation of tongues. Praise the Lord. Alléluia. Amen. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Amen. Amen. And the gift of the Spirit. You know, this gift of the Spirit, they need your cooperation so that they can flow in your life. Und all diese Gaben des Geistes brauchen eine Kooperation, damit sie in deinem Leben wandeln können. Mm. Der Herr wird sie nicht auf dich zwingen. Et tous ces dons, enfin les dons du Saint-Esprit, ils viennent avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a toujours besoin de notre invitation. Parce que Dieu n'est pas une personne qui nous force, il nous a toujours donné le choix. Et c'est le choix qu'on doit prendre. You already have them in your spirit, but they are to come out. Tu as déjà dans ton esprit, mais il doit rauskommen. Tu les as peut-être déjà dans ton esprit, mais ils doivent se manifester dans tes pensées, dans ton cœur. All the gifts need your cooperation to flow. All die Gaben brauchen deine Kooperation, um zu fließen. Donc tous ces dons ont besoin de ta coopération afin de se manifester dans ta vie. It is also like the fruit of the Spirit. C'est aussi comme les fruits des Geistes. Tout comme avec les fruits de l'Esprit. Somebody getting it. Mm-hmm. The fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. Les fruits de l'Esprit. Christ's fruit. Die Frucht von Christus. Les fruits du Christ. It is called the fruit of the Spirit because it is Christ's fruit. Es wird die Frucht des Geistes genannt, weil es die Frucht von Jesus ist. On les appelle les fruits de l'esprit parce que ce sont les fruits de Jésus-Christ. It is coming from Christ. Weil es von Christus kommt. Parce que ça vient du Christ. This world have their fruit. Diese Welt hat auch ihre Frucht. Ce monde ici, par exemple, a aussi religion ses have their fruit. Religion fruit. Hat auch ihre Frucht. La religion, par exemple, a aussi ce que eux ils appellent les fruits. Mm. Praise the Lord. Alléluia. The Holy Spirit needs your cooperation for the seed to bear its fruit. Der Heilige Geist braucht deine Kooperation, damit dieser Same Frucht bringt. Le Saint-Esprit a besoin de ta coopération afin que ce grain grandisse et ramène des fruits. But you are going to sow the seed. Aber du musst den Samen erstmal sehen. Mais tu dois d'abord planter ce grain. The seed is Christ and not Moses. Amen. Der Same ist Christus und nicht Mose. Ce grain-là, c'est Jésus-Christ et the pas Moïse. The seed is Christ and not religion. Der Same ist Christus, nicht Religion. Ce grain, c'est Jésus-Christ et pas la religion. For Christ to bear fruit in you, believe the truth and act on the truth. Amen. Damit Christus Frucht bringt in deinem Leben, musst du die Wahrheit glauben und nach der Wahrheit wandeln. Amen. Afin que Jésus-Christ puisse laisser pousser ses fruits, tu dois accepter la vérité et vivre selon la vérité. You sow this fruit, the seed. The truth is the seed, and you are going to sow it. Die Wahrheit ist der Samen, du wirst ihn einsehen müssen. La vérité est ce grain et tu vas le semer, récolte, ouais, ce que tu as dit. What Christ speak is spirit and life. Mm-hmm. It's what. Was Christus and you are going to sow it into you. You are allowed to be sown. Und du musst es in dich hineinsehen. Mm. Ce que Jésus-Christ dit est, est esprit et la vérité. Et cette vérité, cet esprit, tu dois le planter en toi. You allow it to be sown into your mind, into your soul. Mm. If you are saved, it's already in your spirit, but your soul needs salvation. Es muss in deine Seele, in deine Gedanken gepflanzt werden. Ça doit être planté dans tes pensées et dans ton âme. Parce que dans ton esprit, ils sont déjà là, parce que ton esprit est déjà sauvé. And without the Holy Spirit, you cannot believe the truth. How much more to act on it? Weil, you cannot believe it. Wenn du wiedergeboren bist, without your cooperation with the Holy Spirit. Wenn du wiedergeboren bist, ist dein Geist errettet, aber deine Seele noch nicht. Und deswegen musst du die Wahrheit in deiner Seele und deine Gedanken sehen. Ach so, was hier und der das sein. Das habe ich schon gesagt gehabt davor. Das? Ja. Aber praise the Lord. Das, was ich zuletzt gesagt habe, das musst du noch sagen. Ohne den Heiligen Geist bist du nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Amen. Mm, parce que sans le Saint-Esprit, tu n'es pas capable de connaître la vérité et vivre selon la vérité. I will repeat it. Without the Holy Spirit, you cannot believe the truth. How much more to act on it? Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht nach die Wahrheit kennen, geschweige denn danach wandeln. Du wirst eine Lüge nennen. Mm. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'es pas capable de croire en la vérité. Et si tu n'es pas capable de croire en la vérité, comment ça sera pas possible pour toi de vivre selon la vérité, parce que tu crois pas en la vérité. Once you start rejecting the Holy Spirit, ignoring him, you will no longer believe the truth. You will start believing lies. You start believing religion and you start questioning the truth. Wenn du den Heiligen Geist ignorierst, fängst du an, Lügen zu glauben und die Wahrheit zu hinterfragen. Parce que si tu ignores le Saint-Esprit, là tu vas commencer à douter à la vérité et tu seras plus capable de vivre selon la vérité. And that's why the problem is not people don't believe. The problem is they ignore the Holy Spirit. Das Problem ist nicht, dass Leute nicht glauben, sondern dass sie den Heiligen Geist ignorieren. Et le problème donc n'est pas que les gens n'ont pas ne croient pas, non pas la croyance. Praise mais the Lord. Ils ignorent le Saint-Esprit. Yeah, we are still there. 12. Huh? Verset 12. Papa va nous montrer verset 3. 12. Verset 3. Yeah. Donc, 1 Corinthiens 12, mais verset 3. Praise the Lord. Hallelujah. C'est pourquoi je vous le déclare. Si un homme dit « Maudit soit Jésus-Christ », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Be attentive to the Holy Spirit. Sei dem Heiligen Geist bewusst. Donc, tu dois être conscient du Saint-Esprit, tu dois être attentif. Pay attention to the Holy Spirit. Sei aufmerksam gegenüber dem Heiligen Geist. Donc, sois, encore une fois, sois attentif. Pray in the Spirit. Bete im Geist. Pray in tongues. Bete in fremden Zungen. Mm. Donc, prie en esprit, prie en langue. Praise the Lord. Alléluia. Submit yourself to Christ. Übergebe dich selbst Jesus Christus. Tu dois te soumettre à Jésus Christ. And number one of it is by praying tongues. Und the Holy Ghost is not there to help you. To submit to Christ. Dann ist der Heilige Geist da, um damit du dich dem Christus hingeben kannst. Mm. Et quand tu parles en langue, le Saint-Esprit est là pour t'aider encore plus à te soumettre à Jésus Christ. The fruit of the Spirit is called the fruit of the Spirit because it is coming out from the seed. Christ is the seed. Die Frucht des Geistes wird Frucht des Geistes genannt, weil sie aus dem Samen kommt und dieser Samen ist Christus. Amen. Donc encore une fois les fruits de l'esprit sont appelés les fruits de l'esprit parce que ils viennent de Jésus Christ, de la vérité de Jésus Christ qui a été planté en toi. Et Donc, ça pousse d'un grain. Without seeds, there is no fruit. Ohne Samen gibt es keine Frucht. Parce que sans grain, tu ne vas pas récolter de fruits à la fin. Galatians 5. Galatians 5. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Si encore, encore ajouter que dans 1 Corinthiens 12, verset 3, il est écrit que tu ne peux pas appeler Jésus-Christ ton Seigneur sans avoir le Saint-Esprit. Donc quand tu le fais charnellement, Jésus-Christ ne va jamais le reconnaître. Donc, il ne va même pas l'entendre parce que tu l'as fait charnellement et pas dans l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Without the power of the Holy Spirit, you cannot surrender to Christ. Mm. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes kannst du dich Christus nicht hingeben. Das ist unmöglich. Mm. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas te soumettre à Jésus-Christ. If you say it is just the And that's why those that say there is nothing like Holy Spirit run away from them. Die Leute, die sagen, es gibt den Heiligen Geist nicht, fliehe von diesen Leuten. C'est pour ça qu'on doit fuir les gens qui disent que le Saint-Esprit n'existe pas. You know, we are not able to run away from witches and wizards. Wir sollten nicht mal vor Hexen und Magiern weglaufen. Mm. On doit même pas fuir les sorciers ou les sorcières. The people Jesus warned us against, they are those, the religious people. Aber der Heilige Geist, that ignore the power of the Holy Spirit. Jesus Christus warnt uns vor den Leuten, die den Heiligen Geist ignorieren, die ihn leugnen. Parce que Jésus Christ nous a surtout prévenu des gens qui ignorent le Saint-Esprit ou les gens religieux. You can never ignore the Holy Spirit and be saved. Du kannst niemals den Heiligen Geist ignorieren und errettet sein gleichzeitig. Parce que tu peux jamais ignorer le Saint-Esprit et en même temps être sauvé, avoir son salut. We just read it in 1 Corinthians 12, verse 3. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Wir haben das gerade in 1. Corinthians 12, Vers 3 gelesen. On vient de lire ça dans 1 Corinthians 12, verset 3. Amen. There is no fruit without seed. Es gibt keine Frucht ohne Samen. Il n'y a pas de fruits sans grain. Amen. Amen. Please go to Galatians 5. Galatians 5. Galatians 5. Vers 22 und 23. Verset 22 et 23. It's about the fruit of the Spirit. It means Christ's fruit. The fruit of Christ. Die Frucht von Christus. Amen. Les fruits de Jésus-Christ. Galates 5, 22 et 23. Christ has his own kind of fruit. Christus hat seine eigene Frucht. Jésus-Christ a ses propres fruits. You know the word, you know religion never call it fruit today. Religion nennt es nicht Frucht. Mais la religion aujourd'hui n'appelle pas ça fruit aujourd'hui. You know that we, you know what they call fruit? How many houses you have? How many church? How many branches you have? You know the fruit? What they see as fruit? Was sie als Frucht sehen? I don't know. You get it? Mm. How many cars you have? Mm. How much you have in your account? Mm. That's what they call fruit. Wie viel Geld hast du? How many beggars have you blessed? Have you given money to? Mm. Pour la religion, par exemple, pour eux, les fruits sont toujours, se manifestent toujours physiquement. Donc, combien d'argent tu possèdes, combien de voitures t'as, combien de pauvres ou d'orphelins t'as aidé. Tout ça, ce sont des choses charnelles que la religion appelle fruits. How many children do you have? Combien d'enfants as-tu? How many people have you, people have you adopted? Viele Kinder hast du? You can what they call fruit. But look at what Jesus called fruit. Aber guck euch an, was Jesus Frucht nennt. Mais regardez ce que Jésus-Christ lui-même appelle ses fruits. He said, but the fruit of the Spirit is love. Amen. Joy, peace, long suffering. God kind of love. Gott ist God Liebe. Kind of joy. God kind of peace. My peace I give unto you, not as the world give it. Mm. Is somebody getting it? Mm. My peace is different from the peace of this world. Mein Frieden ist anders als der Frieden dieser Welt. La paix de Jésus-Christ est différente et pas comparable à la paix de ce monde. Donc là encore une fois on voit ce qu'il appelle les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, tout ça, ce sont les fruits de l'esprit de Jésus-Christ. The only true God is the seed. Der einzig wahre Gott ist der Same. Donc le seul vrai Dieu est ce grain qu'on plante en nous, donc la vérité. Christ's word is the seed, and you must sow it. Das Wort von Christus, der Same, das musst du pflanzen. Donc la parole de Dieu est ce grain qu'on doit planter en nous. If you see those in that law, they saw Moses into their heart, like the Jews. They saw Moses, and the fruit was they were fighting Christ, they killed Christ. So also today they still saw him, they still saw the laws, and today you can see their fruit. They fight the truth. Die Menschen, die im Gesetz leben, pflanzen das Gesetz in ihr Herz, und deswegen haben sie auch gegen Jesus Christus gekämpft. Damals haben sie es getan, als er hier auf Erden war, aber auch heute tun sie es immer noch. Et on peut voir que la religion, beaucoup, ou les Juifs par exemple, au lieu de planter Jésus-Christ en eux, ils plantent Moïse, la loi de Moïse en eux. C'est pour ça qu'ils ont tué le Christ. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes sont toujours en train de combattre la vérité parce qu'ils ont planté Moïse, la loi en eux et pas Jésus-Christ. You know, somebody told me, said he doesn't like anything meditation. Because, you know, before this time, they were meditating on things and it never worked. Because they were meditating on religion. They were meditating in, you know, it's not meditating in law, under law. Meditating what Christ called the truth. Jemand hat mir mal gesagt, dass er das auf das Wort meditieren oder Samen sehen in das Herz sehr allergisch wirkt, weil er das einfach nur kennt aus einem sehr religiösen Kontext, wo es die ganze Zeit darum geht, irgendwelche Gesetze in sein Herz zu rammen, damit man sich bloß daran hält, oder irgendwelche Versprechungen von Gott sich in sein Herz zu rammen, damit man erfolgreich und reich wird im Namen von Jesus. Ouais. Maman a donné l'exemple d'une personne qui était, on peut dire même allergique quand on parlait de méditer en Jésus-Christ, parce que cette personne a vu, a vécu comment cette méditation a été mal interprétée, ou alors ou comment le monde a abusé de cette méditation, pardon. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 22 again. It's about the fruit 22, of the Spirit. Aber die Frucht, there is a fruit because there have been a seed. Es gibt eine Frucht, weil es einen Samen gibt. Encore une fois, les fruits de l'esprit. On peut voir qu'il y a des fruits de l'esprit parce que il y a un grain qui a été planté. Amen. Amen. You know, Christ sold himself. And that's why he can reap us today. Christus hat sich selbst gesehen. Und deswegen können wir, hat er uns geerntet heute. Jésus-Christ s'est planté lui-même. C'est pour ça qu'il peut nous, il est capable de nous récolter aujourd'hui. On est sa récolte. Fruit is harvest. Die Frucht ist die Ernte. Parce que le fruit doit être récolté. And here it says, but the fruit of the Spirit, because there have been the seed of the Spirit. Die Frucht des Geistes, weil es einen Samen des Geistes gibt. Le fruit de l'esprit, parce qu'il y a un grain de l'esprit. Praise the Lord. Alleluia. God kind of fruit. Gottes Art von Frucht. Donc, les fruits de Jésus-Christ, les fruits de Dieu. The fruit coming from Christ himself. Die Frucht, die von Christus selbst kommt. Les fruits qui viennent de Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is coming from our inside. From the inside, the part of you that is already saved. Von dem Teil, der schon errettet ist. Ces fruits-là viennent de la partie en toi qui est déjà sauvée. Donc elle vient de l'intérieur. You know, before you became saved, you received the word. Hast du das Wort empfangen? Avant de que tu sois sauvé, tu as d'abord reçu la parole. Amen. Amen. And the seed was sown into you. Und dieser Same wurde in dich hineingepflanzt. Et cette parole qui est le grain. And the fruit is you became saved. Und die Frucht ist, dass du errettet wurdest. Et le fruit et ta récolte était ton salut, a été ton salut. Amen. Amen. But you also have that fruit. Aber es gibt immer noch eine andere Früchte. Mais il existe toujours d'autres fruits. Amen. Amen. Your joy, your peace. Deine Freude, dein Frieden. Your faith. Dein Glaube. Donc ta joie, l'amour, l'amour, l'amabilité, ta bonté, tout ça, ce sont des fruits de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. You know, we are to know. Before we continue here, look at how Jesus said we are to know them. Schaut euch an, wie Jesus gesagt hat, wie wir die Religiösen erkennen. Encore une fois, Matthieu 6. Dans Matthieu 6, on va voir comment Jésus-Christ nous dit de distinguer, de discerner ses esprits. Praise the Lord. Matthieu 6. Matthieu 6. Verse 15. Let me Matthieu 6. Sorry, Matthew 7, not Matthew 6. Matthew 7, pardon. Matthew 7. From verse 15. Matthew 7, verse 15. Verse 15. Amen. He said, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Amen. Amen. They come in the name of Jesus, but the inside is evil. Sie kommen im Namen von Jesus, aber das Innere ist bösartig, ist teuflisch. Certaines personnes vont peut-être venir au nom de Jésus-Christ, mais leur motif est mauvais et du diable. He said, "You shall know them by their fruits." Are you somebody getting something? Mm-hmm. How you are to know them? How you are going to know them by their fruit? An ihrer Frucht wird ihr sie erkennen. Donc, et c'est par les fruits qu'on va les, par leurs fruits qu'on va les reconnaître. And that's why it's very important that you know what Christ calls fruit. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du weißt, if was not, Christus Frucht nennt. Sonst wirst du nicht richten können. Et c'est pour ça que il est très important de jamais ignorer ou de d'être conscient ce que Jésus-Christ appelle les fruits, parce que sinon tu seras jamais capable de les distinguer. If you believe in what they call fruit, you will clap for them. Aber wenn du an das glaubst, was sie Frucht nennen, wirst du sie supporten, wirst du sie unterstützen. Parce que sinon tu vas, si tu crois en ce que eux ils appellent fruits, là tu vas les soutenir, tu vas même les encourager. Through the truth, you can discern the spirit. Durch die Wahrheit unterscheiden wir die Geister. À travers la vérité, on est capable de discerner, de distinguer les esprits. Amen. You know what Christ called the truth is how you discern the spirit. Indem wir wissen, and know what they call the truth. So erkennen wir die Wahrheit. That is what they call the truth is evil. Ouais. Parce que si on connaît la vérité, là on sera capable de discerner les esprits. Et si on ne connaît pas la vérité, on va peut-être croire en ceux que eux ils appellent la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. He said we shall know them by their fruit. Durch ihre Frucht werden wir sie erkennen. On va les reconnaître à travers leurs fruits. We discern them by their fruit. Wir erkennen sie durch ihre Frucht. On les discerne à travers leurs fruits. What they call joy. What give them joy. What give them peace. Is somebody getting something? Mm-hmm. What give them joy. Was ihnen Freude. What give them peace. Was ihnen Frieden gibt. What they call victory. Are you getting it? Ceux qu'ils appellent leur joie. Ceux qui leur ramènent la joie. Ceux qu'ils appellent leur victoire. C'est à travers ça qu'on est capable de les discerner. Remember when Jesus sent the 70s, as Jesus the book of Luke. Lucas 10. Amen. Rappelez-vous dans quand Luc a envoyé les 70 dans le livre de Luc. And they came back rejoicing, and you know their joy was what was giving them joy was that it was one religion called fruit. Was ihnen Freude gab, war das, was Religion Frucht nennt. on peut voir que ceux qui a réjoui les 70 quand ils sont revenus, c'était ceux que la Bible, non, ceux que le monde appelle, non, ce sont des choses charnelles pour Jésus-Christ qui leur donnait la joie. Are you getting it? But Jesus said, rather rejoice because of what I call the truth, the fruit. Jesus sagt, freut euch viel mehr über dem, was ich die Wurzel. That is how you can design the difference between him and Satan. So könnt ihr den Unterschied zwischen ihm und dem Satan kennen. Ouais. Parce que et Jésus-Christ a dit, au lieu de vous réjouir que les démons vous ont obéi, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Et c'est comme ça qu'on peut discerner entre les fruits de Jésus-Christ et les fruits du diable. You know if I'm going to know you are in the flesh. Weißt du, wie ich erkenne, dass du im Fleisch bist? Vous savez comment moi je peux voir si vous êtes dans la chair. If, for example, somebody come to you and you want us to and ask you for prayer. Wenn jemand dich um ein Gebet bittet. Si par exemple une personne vient vers toi et te demande de prier pour cette personne. It is very, very important to know the reason. Es ist sehr wichtig zu wissen, weshalb. Why do you want me to pray for you? Wieso soll ich für dich beten? And what is the prayer all about? All those questions, they are to be answered. Das müssen. Because we are not, the Holy Ghost is to back our prayer. And we don't pray, we our prayer is about the root and not the fruit. Parce que il est très très important, enfin si une personne vient vers vous et vous demande de prier pour cette personne, c'est très très important de savoir de un si cette personne est vraiment née de nouveau et quelles sont les raisons, quels sont les motifs de cette personne de ce vœu. I'm not fast to pray for people. Ich bin nicht schnell darin, für Leute zu beten. C'est, ça prend du temps pour moi afin de prier pour des gens. I'm fast to reveal the truth to people. Ich bin schnell darin, die Wahrheit zu geben. Je suis plutôt rapide quand il s'agit de révéler la vérité aux gens. Is somebody getting it? Amen. I'll go there later. Amen. If you do not know God kind of fruit, you cannot discern anything. Wenn du die Wahrheit nicht kennst, wirst du nichts unterscheiden können. Si tu connais pas les fruits de Dieu, tu seras incapable de discerner quoi que ce soit. You know, if you keep on clapping for what they call the fruit, you will not be able to the discerning of spirit, you can never function. Because you are clapping for what they call evil. And you are calling what they call evil the truth. The fruit. You are calling them the fruit. Are you getting it? You have to draw the difference. There should be difference between what they call good and what you call good. Amen. Wenn du die Frucht dieser Welt unterstützt, kannst du nicht nüchtern unterscheiden, was Christus ist und was der Satan ist. Du musst in der Lage sein, das gut zu nennen, was Christus gut nennt, und das schlecht zu nennen, was Christus schlecht nennt. Donc, si tu es toujours à moitié dans ce monde et tu acceptes leur vérité, le don de discernement que tu as à travers le Saint-Esprit ne sera jamais capable de se manifester dans ta vie parce que tu dois être conscient de la vérité que Dieu a plantée en toi. Et si tu n'utilises pas cette vérité, tu ne seras jamais capable de discerner ces esprits. Again, if you don't know God kind of fruit and you do not back it, believe it and be acting on it, believe it, not just saying I know it, believe it and be acting on it, you will call what they call fruit the fruit. Wenn du nicht die Wahrheit wirklich für dich selbst erkannt hast und danach handelst, wirst du das, was sie Frucht nennen, was die Welt Frucht nennt, auch Frucht nennen und das gut nennen, was sie auch gut nennen. Et encore une fois, si tu... Encore une fois, si tu n'as pas la vérité en toi, enfin si tu n'habites pas toujours le Saint-Esprit en toi, à la fin tu vas appeler ce que le monde appelle les fruits, ça sera aussi les fruits pour toi. Et leur vérité sera aussi ta vérité et tu seras plus capable de marchant en Jésus-Christ. C'est pour ça, c'est très important, ça soit le pont, de pas seulement de confesser avec sa bouche, mais de laisser que tes actions doivent suivre, ton manière de vivre doit aussi suivre avec. Praise the Lord. Hallelujah. You know, take John. John said, I rejoice greatly. Troisième Jean. Because of something. And second John, he said, I rejoice greatly. Let's go there. Take John. Dritte Johannes. Go to take John. Trois Jean. It's only one chapter. Take John, verse 3 and 4. Verset 3 et 4. Dritte Johannes 1, 3 und 4. Are we there, please? He said, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. Then in verse in second. Greater Johannes 1. Three and four. Amen. Then let us go to second John. They are very close there. Zweite Johannes. Second John. One. Deux Jean. To four. Un à vier. Un à quatre. Are we there, please? Zweite Johannes 1, 1 bis 4. You can see what gives John joy. Ihr seht, was Johannes Freude gibt. Ici, on peut voir ce qui réjouit John. The same gives me joy. Das gleiche gibt mir auch Frieden. Et la même chose me réjouit aussi. Amen. Amen. Amen. Your children, I rejoice greatly. Anytime I hear your discerning, I see your discerning of the Spirit. I see that function in the flowing of the discerning of the Spirit in you. Your children here in this ministry. Es gibt mir Freude, wenn ich sehe, wie ihr im Geist wandelt, wie ihr Geister unterscheidet. Moi, par exemple, ça me réjouit quand je vois que vous, les membres de cette église, vous marchez dans l'Esprit. Look at it from verse 1 to 4. It said, the elder unto the elect lady and her children, whom I love in truth. We love in the truth, in Christ. Amen. Our love should be in Christ Jesus. Unsere Liebe soll in Christus Jesus sein. Mm-hmm. Notre amour doit être en Jésus Christ. Amen. Mm-hmm. A lady, dans la vérité, a lady with her children. Ein Frau mit ihren Kindern. Amen. Une femme avec ses enfants. And not only, but also, all they that have known the truth. For the truth's sake, which dwelleth in us. The truth dwelleth in us already. Die Wahrheit, elle wohnt schon in uns. On peut voir que la vérité vit déjà en nous. We already have the truth. On a déjà la vérité. Wir errettet sind. Si tu es sauvé, si tu es né de nouveau. The truth is not outside. Die Wahrheit ist nicht da draußen. La vérité n'est pas dans ce monde, n'est pas dans l'extérieur. And that is why our victory is not outside, it comes from inside. Deswegen ist auch unser Erfolg nicht draußen, sondern innen, in uns drin. C'est pour cela que notre victoire est verbal de l'extérieur, mais de l'intérieur, elle est déjà en nous. Our healing, for example, is not coming from outside. It's coming from inside. Auch unsere Heilung, sie kommt nicht von außen, sondern von innen. Tout comme notre guérison ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. You believe you're already healed. Wir glauben, dass wir schon geheilt sind. On croit qu'on est déjà Keep on believing. Qu'on est déjà guéri. Keep on believing. Glauben weiterhin. Et continue à. And thank him for the divine health. Und zweifeln nicht und danken ihm für die übernatürliche et und göttliche pas. Gesundheit, die wir durch ihn haben. Pas. Et remercie Jésus-Christ pour la guérison surnaturelle qu'on a déjà en lui. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for the truth's sake, which dwelleth in us, verse 2. Verset 2. The truth already lives in us. Die Wahrheit lebt Christ schon in uns. Christ is already in you. Christus ist schon in dir. La vérité vit déjà en nous parce que Jésus-Christ vit en nous. He is already in your spirit. Er ist schon in deinem Geist. Lass zu, dass er auch dein Gedanken ist. Il est déjà dans ton esprit, donc permet lui l'accès à tes pensées. He said, and shall be with us forever. Mm-hmm. Und die ewiglich für uns in uns sein wird. Et cette vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous. He said, verse 3. Verset 3. Grace be with you, mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. Then verse 4. I rejoice greatly Vers 4. That I found of my children walking in truth. Can you see what gives somebody joy? Sie, was jemand Freude gibt? It's not I have a house, I pass my exam, I pass. You know, what gives you joy? Was dir Freude gibt, you are holding on to Christ. Dass du Christus festhältst, dass du ihm glaubst. Donc ce qui doit te combler de joie, c'est d'avoir Jésus-Christ. Is somebody getting something here? Mm-hmm. I rejoice greatly that I found of my children walking in truth, as we have received a commandment from the Father. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, you children. Amen. Amen. I rejoice greatly anytime I hear and see the discerning of the Spirit in your life. Ich freue mich, wenn die Kinder hier in der Gemeinde im Geist unterscheiden. Mm. Donc, et moi, ça me réjouit à chaque fois que je vous entends parler et je vous entends discerner les esprits. You are discerning their fruit through the gift of the Spirit. Unterscheidet ihre Frucht durch den Geist in euch. Mm. Donc, vous discernez leur fruit, leur esprit à travers l'esprit que vous avez en vous. Let me name some people: Tania, Jennifer. You know, whilst you are speaking, you know, I rejoice greatly to see, to hear your, you know, how the discerning of the Spirit is flowing in your life. You are already there. Ich freue mich zu sehen, wie ihr den Geist unterscheidet durch die, indem ihr die Frucht unterscheidet durch den Geist, der in euch ist. Amen. Amen. Encore une fois, je me réjouis quand je vois quand je vous entends parler et quand je vous entends discerner les esprits à travers les fruits que vous avez à travers les dons que vous avez reçus du Saint-Esprit. I have been seeing a lot of manifestation of the gift of the Spirit. Ich habe schon viele Manifestationen des Geistes in eurem Leben gesehen. J'ai déjà vu beaucoup de manifestations de l'esprit dans in vos life. Dans vos vies, hein. Amen. Amen. Coming out from you, the manifestation. How you keep on choosing? You know, you never, you don't reject, you don't refuse to clap for evil, but choose Christ. Yeah. Choose. You know, you can see the discerning of the Spirit there. Euch weigert das Fleisch zu feiern. They call what is evil evil, and they call what is good. Und das das gut zu nennen, was Christus gut nennt, und das schlecht zu nennen, was Christus schlecht nennt. Das ist sehr wichtig. Encore une fois, ça me réjouit quand je vois que vous choisissez toujours Jésus-Christ et vous appelez ce qui est mauvais pour Jésus-Christ, vous l'appelez mauvais et vous désirez ce que Jésus-Christ désire. You discern what they call, you know, what they write out in internet. You know, it's not good. You know, people may even write, a lot of people may even write and congratulate them. But you call it evil. Ihr unterscheidet das, was gepredigt wird. Because it is really evil. We have to discern the Spirit. I don't know if somebody's getting it. Ihr unterscheidet das, was gepredigt wird im Internet. Und auch selbst wenn die ganze Welt es feiert und unterstützt und es für gut heißt, erkennt ihr dennoch die Wahrheit von der Lüge und die Lüge von der Wahrheit und sagt es auch. Amen. Même si, par exemple, les gens sont en train de prêcher au nom de Jésus-Christ sur Internet, vous êtes toujours capable à discerner les esprits, à discerner la parole qui est partagée là. Et tout ça est seulement possible parce que vous avez une relation avec le Saint-Esprit et qui vous rend capable à utiliser tous les dons que le Saint-Esprit, que Dieu lui-même vous a donné. You discern what they speak, no matter who speaks it, and no matter what they speak, how good they are. Ihr unterscheidet, is somebody getting something? Was gesprochen wird, egal wer spricht, egal wie er spricht. Donc, et vous jugez toujours la parole, peu importe qui parle et de la manière que cette personne parle. Même si pour la plupart des enfants de Dieu, ça peut être la vérité, mais vous êtes toujours là, prête à vérifier. Amen. Amen. And without the gift of the Spirit, you cannot discern the the fruit of the Spirit. Ohne Geist, ohne die Frucht des Geistes kannst du. The gift of the Spirit, that is the signing of the Spirit, one of them. And this signing of Spirit is very, very important because of the lies of Satan everywhere. Das Unterscheiden der Geister ist sehr wichtig wegen den Lügen des Satans überall. Donc encore une fois, donc le discernement des esprits est très important à cause des mensonges du diable qui sont partout aujourd'hui. Amen. Amen. Without the gift of the Holy Spirit, we cannot discern any fruit. Ohne die Gabe des Heiligen Geistes können wir keine Frucht unterscheiden. Mm. Encore une fois, sans les dons du Saint-Esprit, on n'est pas capable de discerner les fruits. And without submitting to the Holy Spirit, we cannot flow in the gift of the Holy Spirit. Und ohne sich dem Heiligen Geist zu geben, können wir nicht in den Gaben des Heiligen Geistes wandeln. Mm. Wir müssen uns hingeben. Et sans se soumettre à Jésus-Christ, sans se soumettre au Saint-Esprit, on n'est pas capable d'accéder au don du Saint-Esprit qu'il a pour nous. What he called good, call it good. What he called evil, call it evil. Okay. If not, your discerning of the Spirit can never function. Amen. Was gut nennt, nenn es gut. Und was schlecht nennt, es schlecht. Sonst wirst du die Geist nicht unterscheiden können. Mm. Donc, ce que Dieu appelle mauvais, on doit aussi l'appeler mauvais. Et ce qu'il appelle bon, on doit le faire. Parce que sans cela, tout le reste n'est pas possible. Praise the Lord. Alléluia. The gift, you know, the Holy Spirit needs your cooperation. Der Heilige Geist braucht deine Kooperation. Le Saint-Esprit a besoin de ta coopération. So that the gift of the Holy Spirit can flow. Damit die Frucht des Heiligen Geistes, die Gaben des Heiligen Geistes fließen können. Afin que les dons du Saint-Esprit peuvent couler. Ouais. You know, and how to submit to the Holy Spirit. See, whatever Christ called good, call it good. What he called evil, learn to call it evil. Stop clapping for, you know, you see evil and you clap for it. That spirit will just be. It's as if it's useless. It can do nothing because you refuse to submit to the Holy Spirit, the power behind the gift. Und wie gesagt, wir müssen halt aufhören, das gut zu hören, was diese Welt gut nennt. Und das schlecht zu hören, was diese Welt schlecht nennt, weil sonst können wir die Geister nicht unterscheiden. Sonst kann der Heilige Geist nicht arbeiten. Wir müssen mit ihm kooperieren. Mm. Encore une fois, on doit coopérer avec le Saint-Esprit, parce que sans lui, on est incapable à discerner quoi que ce soit. Your cooperation with the Holy Spirit gives me joy always. Eure Kooperation mit dem Heiligen Geist gibt mir Freude. Coopérer avec le Saint-Esprit, ça me réjouit tout. You're choosing Christ, give me joy always. Christus zu wählen, gibt mir Freude. Quand vous choisissez Jésus-Christ, ça me réjouit. In spite of all the persecution. Unabhängig von all den Verfolgungen. Peu importe les conséquences, peu importe la persécution. You never stop. Hört ihr nicht auf. Vous n'arrêtez jamais, so vous stoppez grateful. Jamais. Und dafür bin ich dankbar. And Jesus is so grateful. Und Jesus ist dankbar. Pour ça, je suis très reconnaissant. Et Jésus-Christ aussi est reconnaissant. Praise the Lord. Hallelujah. Again in Galatians 5. In Galater 5. Talks about what kind of love. Joy. Um Gottes Liebe, peace, Freude, suffering. Langmut. Amen. Amen. We quickly go through some. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. The love suffering is for Christ's sake. Die Langmut and not for the flesh. Um Christus willen, nicht wegen dem Fleisch. Donc la longévité est on la grâce à travers Jésus-Christ et pas à travers la chair. Praise the Lord. Look at Hebrews 6. Hébreux 6. Love Hébreux suffering. 6. Amen. Amen. Hébreux 6. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see it? The first was love. In Galatians 5, 22 and 23. The first is love. Then joy. Then peace. Do you see? Mm-hmm. Joy. Love. Freude. Why do you love them? Is it for Christ's sake? Mm. Liebe. Weshalb lieben wir? Ist es Christus Willen? Quand tu aimes, par exemple, tes proches, ton prochain, est-ce que tu l'aimes à travers Jésus-Christ? You know, God kind of love can be sometimes so painful. Gottes Liebe kann schmerzhaft sein. Parce que l'amour de Dieu peut être douloureux de temps en temps. Amen. Amen. Because you are going to choose Christ. Denn du wirst dich für Christus entscheiden. Parce que tu vas choisir Jésus-Christ. You know, those you celebrate Christmas with before. You know, those you enjoy, you know, and now it's Christ's family. Amen. You know, to choose Christ, sometimes it's so painful. It is love. You love them and you are submitting them to Christ. But they might not even be seeing it as love. It doesn't matter. It is how Christ see it and not how people see it. Weil du dich für Jesus entscheidest und wenn du dich für Jesus entscheidest in dieser Situation, kann es so aussehen, als ob du diese Leute hast, aber das ist nicht Hass, sondern die Liebe von Jesus Christus, auch wenn es für die Welt aussieht wie Hass. Par exemple, avec qui tu vas fêter tu vas fêter Noël par exemple. Tu vas choisir Jésus-Christ, c'est pour ça que tu vas fêter Noël peut-être avec seulement avec les enfants de Dieu, mais faut pas, c'est difficile parce que c'est aussi un acte d'amour que tu fais parce que tu choisis Jésus-Christ, pas seulement pour toi-même, mais aussi pour tes bien-aimés, afin qu'eux aussi peuvent reconnaître la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. The family, you know, the natural family is no longer your number one, but Christ. Die natürliche Familie ist nicht nur eins, sondern Christus. Parce que ta famille naturelle n'est plus ta priorité, mais Jésus-Christ. You know, Africa, they love family so much. Not Africa, here in Europe. Weißt du? You know, Europe, they love dogs, they love animals. But, you know, they call dogs, you know, cats, they're family. There's nothing like that in Africa, you know. They just call it, that's what they will call it, evil. So do go into that side. Amen. But they love the family in the flesh so much. And it's also evil. Christ should be the family. Christus sollte die Familie sein. Und in der Welt ist es so, dass in Afrika beispielsweise, dass viele Leute ihre Familien sozusagen vergöttern und alles für diese Familien tun. Und in der westlichen Welt sind es vielleicht Haustiere oder Karriere oder irgendwelche anderen Gegenstände, materielle Dinge, für die man alles und jeden opfern würde. Mm-hmm. Und beides ist teuflisch, weil es bei beiden um das Selbst geht. Ja. Mm-hmm. En Afrique, la famille est très importante. En Europe, peut-être un peu moins. Ici, il s'agit peut-être plus de la carrière ou des animaux. Des animaux domestiques, mais tous les deux sont mauvais aux yeux de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui doit être ta famille, c'est Jésus-Christ qui doit être ta carrière, c'est en lui que tu dois avoir ta paix, ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Help them to come to Christ. Help ihnen zu Christus zu kommen. Donc tu dois les aider à venir vers Jésus. By rejecting the flesh and choosing Christ. Amen. Indem wir das Fleisch verweigern und Christus wählen. Et ça tu le fais en rejetant la chair et en choisissant Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. What give them joy? Was ihnen Freude gibt. Ce qui leur donne la joie. Doctor's report is good. Dass der Arztbericht gut ist. Par exemple que le rapport du médecin est my positif. Exam, my pass. Dass du eine Prüfung bestanden hast. Que t'as réussi tes examens. I have money. Dass man Geld hat. Que t'as de l'argent. Your joy should be, you are a son of God. Deine Freude sollte sein, dass du ein Sohn Gottes bist. All others, alles andere like grass. Ist veränderlich. Das ist wie Gras. Es ist heute da und morgen kann ich schon weg sein. Mais ta joie doit être que tu es un enfant de Dieu. Parce que toutes les autres choses qu'on vient de citer sont vanité. Learn to be rooted in that of Christ. Lerne in dem von Christus verwurzelt zu sein. Donc on doit être raciné dans les choses de Jésus-Christ. Then the peace. Dann der Frieden. The peace of Christ. Der God Frieden kind von of Christus. Peace. Gottes Frieden. Dans la paix de Jésus-Christ. You know, people have, you know, if they just phone you today and say somebody so close to you is dead, your peace will vanish. Mm. Yeah. But you know your peace, if your peace is rooted in Christ, nothing can steal it. Wenn man dir sagen würde, dass irgendjemand in deinem näheren Umkreis verstorben ist, würde dein Frieden direkt zusammenbrechen. Aber wenn dein Frieden auf Christus ist, kann niemand diesen Frieden antasten. Amen. Parce que Jésus-Christ est le même pour toujours, ne changera jamais. Et si Jésus-Christ est la source de ta joie est là pour toujours. What kind of freedom also? Gottes Freiheit auch. Donc aussi la liberté en Jésus-Christ. Even you are in prison, you are still free. Selbst im Gefängnis bist du immer frei. Amen. Parce que même en prison, tu seras libéré. Tu seras libre, pardon, pas libéré. Tu seras Praise libre, the Lord. Amen. You know, the God, you know, the prison was, the earthquake destroyed the prison. They did not run. Because it's not about the freedom outside, it's about the freedom inside. The Christ in you. Amen. Will always be your freedom. Und auch Paulus und Silas, als sie im Gefängnis waren, die Gefängnistüren sich auf übernatürliche Weise geöffnet haben durch den Herrn, sind sie dennoch nicht weggerannt, weil ihre Freiheit nicht örtlich bedingt ist, sondern vollkommen von Christus abhängig ist. Amen. Comme même Paul et Silas dans la Bible, quand Dieu s'est réjoui et il y a eu un tremblement de terre et la prison, les portes de la prison se sont ouvertes, ils n'ont pas fui parce qu'ils savaient que leur liberté n'est pas liée à l'extérieur ou alors à l'endroit où ils se trouvent, mais à Jésus-Christ qui est en eux. No, all this can work when you can design, if you can design the spirit. All das kann funktionieren, wenn du die Geist What gives you peace, you are to design it. Was dir Frieden gibt, musst du unterscheiden. Et tout ça est possible pour toi si tu es capable à discerner les fruits. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Hebrews 6. Let's quickly go through Hebrews 6 here from verse 10 to 15. Verset 10 à 15. Hebrews 6. Hebrews 6. Hebrews 6. From verse 10 to 6 to 15. 10 bis 15. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed unto his name. Is somebody getting something here? Mm. How you choose him and keep on choosing indem him. Indem ihr ihn wählt und immer weiter wählt. Comment, quand tu le choisis, the quand labor tu continues à choisir. Amen. Mm. Amen. Eure Werke in der Liebe. Pas travaux, mais avec vos actions à travers l'amour de Dieu. You refuse to do it, you know. You refuse to allow their ways to be your ways. Their ways of getting their made. Their ways of... Are you getting something? You are holding on to Christ. Ihr lasst zu, dass die Wege von Jesus Christus eure Wege sind. Permettez que les chemins de Jésus-Christ sont aussi vos chemins. Are you getting it? Et vergisst dieses Werk nicht. Et ça, Jésus-Christ, n'oublie pas ça. Praise the Lord. Hallelujah. There is a way that seems right unto a man. Well, if God cannot do it first, I go to the other side. You know, there's a way that you want to do it. But, you know, if you depend on him and see him and keep on choosing him, he said, look at it again, verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed unto his name. You are choosing him. In vain. Vous choisissez Jésus-Christ, vous choisissez Dieu. In that you have ministered to the saint and do minister. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You are not even ashamed of Christ. You still minister to the saint. Yeah. If you are ashamed, you will hide from people. Ihr schämt euch nicht für Jesus Christus. Wenn ihr euch für Christus schämen würdet, würdet ihr aufhören zu dienen. Donc et vous continuez à servir Dieu, à servir Jésus-Christ, et parce que vous n'avez pas honte de Jésus-Christ. You know, if you are offended in him, that you are sick, you cannot even preach healing to anybody. Wenn ihr beispielsweise you don't have it, but it's, you know, in the natural world, people say you don't have it. Why can you even preach it? don't preach what I have, I preach who I am. Amen. Beispielsweise, wenn es darum geht, zu predigen über Dinge, die in deinem Leben vielleicht nicht physisch sichtbar sind und Leute das hinterfragen, weshalb du dann dir anmaßt, diese Sachen zu predigen und zu sagen. Aber du tust es, weil du das predigst, was du bist und nicht das, was du hast. Amen. Par exemple, le monde a difficile à comprendre quand un enfant de Dieu prêchent des choses qui se manifestent pas dans leur vie. Par exemple, si quelqu'un est malade, comment cette personne est capable de prêcher de la guérison? Mais il faut savoir que on prêche pas, ou alors on leur donne pas ce qu'on peut voir, mais on prêche ce qu'on a, ce qu'on est. Et si tu es Jésus-Christ, si tu as Jésus-Christ en toi, tu seras capable de leur de prêcher quoi que ce soit, parce que tu as la parole, tu as les dons du Saint-Esprit. Et quand on a entendu au début, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il se manifeste dans ta vie, il vient avec tous ses dons dans ta vie. In spite of what you are going through, are you getting it? In spite of what you are going through, you are still there for the saints. Unabhängig von dem, was du durchmachst, sind immer noch da für die Heiligen. Et peu importe ta situation, peu importe tes circonstances, tu es toujours là pour les saints. Verset 11. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Amen. Verse 12. That you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swear by himself, saying, surely, blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. Verse 15. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. Praise the Lord. He never failed anybody. Er lässt niemanden im Stich. Donc Jésus-Christ va jamais t'oublier. He never disappoint anyone. Er enttäuscht niemanden. Il va jamais te décevoir. Décevoir, pardon. Praise the Lord. Verse 12 said, it is through faith and patience that we inherit the promise. Not just patience, but faith. That's Christ. Durch Christ. Geduld und Christus empfangen wir das, das Versprechen. The promise. Das Versprechen, genau. Donc, à travers la foi et what he has for you is the promise. C'est comme ça qu'on obtient notre promesse qu'il a pour nous. Praise the Lord. Alléluia. Time is for you and not against you, no matter how long. Die Zeit ist für dich und nicht gegen dich, egal wie lange es dauert. C'est pour ça que le temps est pour toi et pas contre toi, peu importe la durée. Praise the Lord. Alléluia. You know, it is not just patience, but faith and patience. Es ist nicht faith in Christ. It's got kind of patient is always, Christ is always, the Holy Ghost is always involved. Amen. In Gottes Geduld ist immer Christus involviert, ist der Heilige Geist immer involviert. Dans la patience de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est toujours involvé. You know, the natural will have their long suffering. Die natürliche Welt hat ihre lange Geduld. With the long suffering now. Et toujours. Bon, et toujours involviert. Bon, Alléluia. Amen. The natural world have their own long suffering. Die natürliche Welt hat ihre eigene Langmut. Amen. Amen, sorry, ich habe gerade dazu gehört. Die natürliche Welt hat ihre eigene Langmut. Le monde naturel a sa propre patience. Satan also have his patience. Aber der Satan hat auch seine lange Geduld. How is we wait for you? Mais le diable aussi a sa patience. But not in faith in Christ. Aber nicht im Glauben von Christus. Mais pas dans la foi en Jésus-Christ. Are you getting something here? Amen. In verse 15 it said Abraham endured patiently and he obtained the promise. You never endured for nothing. Ihr hart nicht aus vergeblich. Ihr werdet nicht vergeblich ausharren. Amen. Mais notre patience en Jésus-Christ n'est jamais en vain. Amen. Praise the Lord. Amen. In your endurance is Christ. In deinem Ausharren ist Christus. Dans ton endurance, il y a toujours Jésus-Christ. And if you endure in Christ, you must surely obtain. Und wenn wir in Christus ausharren, werden wir ganz sicherlich erlangen. Et si tu endures en Jésus-Christ, c'est certes que tu recevras. And after long suffering in Galatians 5:22 and 23. After long suffering, let us look for the next, that which is gentleness. Gentleness. We quickly go talk about gentleness. Amen. Sanftmut. Gentleness. What kind of gentleness? Gottes Sanftmut. And not evil gentleness. Let's go there. Go to Galatians so that you can read. Galatians 5. Because some of you here, because of the French, go to that of French, please. Galatians 5, Jesus Christus hat seine eigene Langmut und seine eigene Sanftmut. Jésus Christ a sa propre bonté. It is not evil gentleness. Es ist keine bösartige Sanftmut. Ce n'est pas une bonté mauvaise. Let me explain a little bit of it. Amen. You know, in Matthew 10 verse 16, he said, Be gentle, be harmless like dove. That's what Jesus said. Jesus Christus sagt, wir sollen harmlos sein wie Tauben. Jésus Christ nous dit qu'on doit être doux comme des taubes, pigeons, colombes. Praise the Lord. Amen. If you go to Matthew 10, verse 16, is there? Amen. On voit ça dans Matthieu 10. Oh, we are not going there, right? If you have you known it now? Mm. Okay, good. But that of this world, the gentleness of this world is evil. It's full of evil. Aber die Sanftmut dieser Welt ist voll von Bösen. That of Christ is harmless. Are you getting it? La bonté de ce monde est mauvaise, mais celle du Christ est harmless, est douce. They are outside. Okay, go there, please. Go to Matthew. Matthew 10. Because you are Matthew 10. Matthew 10. Matthew 10. Verse 16. 16. Praise the Lord. Amen. Matthew 10. He said, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Matthew 10 says. Verse 16. 16. He's talking about gentleness. Geht hier Sanftmut. Là, il parle de la douceur. Voici, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Amen. That of Christ is harmless. Die von Christus, seine Sanftmut ist harmlos und rein. Donc la bonté de Jésus-Christ est innocente et douce. But that of this world, your outside look harmless, but it's evil. You are full of evil on the inside. Das von dieser Welt, ihre Sanftmut ist von außen harmlos, aber von innen ist es gefährlich und tückisch. Mais la bonté de ce monde peut paraître peut-être innocente aussi, mais le fond, dans le fin fond, elle est mauvaise. If your heart is not Christ, it is evil. Wenn dein Herz nicht Christus ist, ist es bösartig. Et si ton cœur n'est pas Jésus-Christ, the world sees your outside, we see your inside. Die Welt sieht dein Äußeres, aber wir sehen das Innere. With the designing of spirit, with the gifts of the spirit, with the designing of the spirit, you can design the inside of a man. Durch die Unterscheidung des Geistes kannst du das Innere der, Menschen unterscheiden. À travers le discernement des esprits, tu es capable de voir l'intérieur d'une personne, non pas seulement l'extérieur, le corps, mais aussi l'esprit de la personne. That's why Christ said, with your fruit, you can discern them. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'à travers leurs fruits, tu peux les reconnaître. But you have to know what Christ calls fruit. Ah, du musst wissen, was Christus Frucht nennt. Mais pour cela, tu dois savoir ce que Jésus-Christ est. Amen. And you have to submit to Christ before you can know what Christ calls fruit. Und du musst dich Christus hingeben, bevor du weißt, was Christus Frucht nennt. Et tu dois te soumettre à Dieu avant de savoir ce que Jésus-Christ lui-même appelle fruit. Praise the Lord. There are some people that are naturally gentle. Es gibt Menschen, die sind natürlich gesehen schon sehr sanftmütig. Yeah, so quiet. Und sehr ruhig. Are gentle. Zurückgehalten. Ja, ja. Naturally. Il y a certaines personnes qui sont charnellement doux. Donc ils parlent pas beaucoup, ils sont très calmes et tout. Anything outside Christ is evil. Aber alles außerhalb von Christus ist bösartig. Mais tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ est mauvais. Amen. Amen. You know that they are naturally gentle. That gentleness is not coming from Christ. Dass sie natürlich gesehen harmlos. That is gentle does not mean it's coming from Christ. Kommt nicht von Christus. Is somebody getting it? Juste parce qu'ils sont doux, juste parce que cette douceur ne vient pas forcément de Jésus-Christ. It is not, you know, gentleness. Look at it. He said, the fruit of the spirit, gentleness. That gentleness is not what Christ is talking about here. Diese Sanftmut von der That of the flesh. Ist nicht die Sanftmut des Fleisches, von der er spricht. L'innocence ou alors la douceur de quelle Jésus-Christ parle ici n'est pas la douceur de ce monde. You know, people who say they don't speak, they are so quiet. Manche sagen, ja, die sind so ruhig, die sagen nie was. D'autres personnes sont vraiment calmes et ne disent jamais quoi que ce soit. Full of pride. Aber sie sind voll von Stolz. Mais ils sont remplis de fierté. Amen. Amen. Donc, you know, there are also those that are not just, you know, there are those that are aggressive. Es gibt Leute, die zum Beispiel temperamentvoll und aggressiv sind. Il y a d'autres personnes qui sont remplies de tempérament, sont agressifs. You know, people can see that of aggressive as evil. Leute können dies aggressive als bösartig sehen. But don't that of gentle as evil. Aber das sanftmütige sehen sich als bösartig. Mais pour le monde, une personne qui est agressive est automatiquement mauvaise. Mais une personne qui est douce ou paraît innocente. Et ne sera jamais mauvais pour eux, parce qu'ils ne discernent pas les esprits. Both are the same. Beides ist gleich. Parce que pour nous, pour les enfants de Dieu, tous les deux sont égaux, sont les mêmes. Both are full of themselves. Beides sind voll von sich selbst. Tous les deux sont orgueilleux. And once you come to Christ fully. Und wenn du vollkommen zu Christus kommst, mais quand tu viens réellement à Jésus Christ, he gives you his own kind of gentleness. Gibt er dir seine eigene Art von Sanftmut. Amen. Quand tu viens vers Jésus Christ, quand tu viens réellement vers Jésus Christ, il te donne sa propre bonté, sa propre douceur. It is not gentleness to accept evil. Es ist nicht sanftmütig, das Böse zu akzeptieren. Il s'agit pas d'être doux en fonction d'accepter ce monde, accepter ce monde. To cooperate with evil. Mit dem Bösen zu kooperieren. Ou alors de coopérer avec ce monde. You know, they said they are very quiet. Leute sagen, green snake under the green grass. Sie sind richtig zahm, richtig ruhig, aber es ist so wie eine grüne Schlange auf einer Wiese. Also nur weil jemand, also Auf Deutsch sagt man, stille Wasser sind auch tief. Sagt man das so? Ja. Sind tief. Donc, juste parce que, encore une fois, une personne est douce, charnellement, ne veut pas dire que c'est une bonne personne. Praise the Lord. Amen. If you have been so gentle in the past, before you became saved, but now you are saved, you are still going to be gentle, but not the gentle of the gentleness of the old, but of Christ. Wenn du vielleicht ein sanftmütiger Mensch warst, als du noch nicht zu Jesus Christus gehört hast, wirst du jetzt als Kind Gottes immer noch sanftmütig sein. Es wird nicht die Sanftmut dieser Welt sein, die du vorher hattest und ausgeübt hast, sondern es wird die Sanftmut von Christus sein. Si, par exemple, tu as été une personne douce charnellement avant d'être né de nouveau, tu vas toujours être douce, mais cette douceur là ne sera plus celle de ce monde, mais ça sera la douceur de Jésus-Christ. If I'm quiet, I'm quiet because I don't want to speak anything flesh. Wenn ich ruhig bin ich ruhig, weil ich nicht Fleisch ist. It's different from I'm quiet because I don't know what people are going to say about me. Es ist anders wie jemand, der einfach nur ruhig ist, weil er so voll von seinem Selbst ist, dass er nicht will, dass sein Selbst angegriffen wird, in Form von, dass Leute ihn auslachen oder dass Leute was Komisches denken. Also Schüchternheit, besser gesagt. Si par exemple, un enfant de Dieu ne est calme ou ne parle pas. Si elle est calme parce qu'elle ne veut pas dire quelque chose dans la chair, c'est bien. Mais il y a une différence entre une personne qui est calme en Jésus-Christ ou une personne qui est timide parce qu'elle a peur du jugement des personnes, comment les gens vont juger les mots qu'elle vient de dire. You know, people are talking, we are not participating. It's not because we are full of ourselves. If we not belong to Christ, we not have his gentleness. We don't want to be involved in the flesh. Wenn wir ruhig sind und nicht sagen, zurückhaltend sind, ist das nicht, weil wir irgendwie das im Fleisch tun, sondern wegen Christus, weil wir lernen, dann zu sprechen, wann wir sprechen sollen und dann zu zuhören, wenn er sagt, dass wir zuhören sollen. Parce que nous, par exemple, on est guidé du Saint-Esprit et on parle quand le Saint-Esprit nous dit de parler et on discerne à travers les dons du Saint-Esprit. You know, the two might look similar. Vielleicht sehen beide Verhaltensweisen ähnlich. Mm. Quiet. That time, you know, the past he was this, and it's always the same. No, it's no longer the same. Mm. Oder Leute sagen, du warst schon immer ruhig, deswegen ich kenne dich gar nicht anders. Aber das ist nicht die gleiche Art von ruhig. Are you getting it? Même si, ta douceur charnelle que tu avais avant d'être né de nouveau et ta douceur que tu as maintenant quand tu es en Saint quand tu es guidé par le Saint-Esprit, ça peut paraître ähnlich, ça peut paraître pareil, mais nous, les enfants de Dieu, eux qui sont les personnes qui peuvent discerner les esprits, sont vraiment conscients que ce n'est pas du tout la même chose, que ce sont deux choses complètement différentes. You know, if you look at Moses' rod and God's rod, with the natural eye, they are the same. Wenn wir uns beispielsweise den Stab von Mose anschauen und den Stab von Gott anschauen, sehen sie natürlich gesehen gleich aus. Von Gott oder von Moses' rod and God's rod. Ah, si on compare par exemple le bâton. Le bâton de Moïse et on le compare à Dieu charnellement, si tu le vois comme ça, ils peuvent paraître identiques. But one is supernatural and the other one is natural. Aber der eine ist übernatürlich, der andere ist natürlich. Non, mais l'un est un bâton est surnaturel et l'autre est naturel. That they look similar, you know, does not mean they are the same. Nur weil sie gleich aussehen, heißt es, dass sie gleich sind. Juste parce qu'ils se ressemblent, ça veut pas dire qu'ils sont les mêmes. Praise the Lord. Alléluia. It was once Moses' rod, but it's now God's rod. Amen. Amen. Il fut une fois le bâton de Moïse, mais maintenant c'est le bâton de Dieu. But if you look at it with your natural eye, you cannot see the difference. Es war einst Moses' Stab, aber jetzt ist Gottes Stab. Mit unseren natürlichen Augen können wir den Unterschied nicht erkennen. Ouais. Mais avec nos yeux naturels, on ne peut pas voir la différence. But use it to touch the sea. Aber nutze es, um das Meer zu berühren, und du wirst sehen, was mit dem Meer passiert. Mais utilise le bâton surnaturel de Dieu et touche avec la mer et tu vas voir ce qui va se passer. Use it to touch the rock and see what will come out of the rock. Because it's no longer the natural but the supernatural. Is somebody getting it? Mm-hmm. So also is everything we have. We now have that of Christ. Amen. If you submit to Christ, you will have that of Christ. Und so ist alles von uns von Christus. Wenn es dann geprüft wird, wenn es zur Probe gestellt wird, dann zeigt sich der Unterschied. Beispiel, wenn als der Stab das Meer berührt hat oder als der Stab diesen Stein berührt hat, da hat sich gezeigt, was hinter diesem Stab steckt, nämlich die Kraft Gottes. Et l'exemple de bâton est comparable à tout ce qu'on soumet à Jésus-Christ. Dès qu'on soumet quelque chose à Jésus-Christ, à Dieu, ce n'est plus la même, mais cette chose devient surnaturelle. Praise the Lord. Alléluia. Another example, Peter's fishing business. The same seed, the same net. What was different? Christ. Amen. Und genauso wie bei Petrus, als er gefischt hat. Fish all the night, there was no fish. Er hat die ganze Nacht gefischt und es gab keine Fische. Aber auf das Wort von Jesus hat er es wieder getan. Und im gleichen Boot, im gleichen Wasser kamen dann diese ganzen Fische. Amen. C'est la même chose avec Pierre, par exemple. Quand Pierre, quand il était encore pêcheur, Il a utilisé le même filet, il était sur la même mer, dans le même bateau. Mais la seule chose qui a changé, c'était la présence de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ lui a dit, jette encore tes filets, là, il a eu un autre résultat, parce que c'était Jésus-Christ qui l'avait. Praise the Lord. Amen. Amen. You know what was the different Christ? So also, somebody that was so quiet in the past and now is still quiet, they are not the same. The difference is Christ. Christus ist der Unterschied. Jemand, der vorher einfach eine ruhige Persönlichkeit hatte und heute eine ruhige Persönlichkeit hat, ist nicht gleich, sondern es ist wegen Christus, ist dieser Unterschied da. Encore une fois, c'est Jésus-Christ qui fait la différence. Donc une personne qui était peut-être rouée, calme dans la chair et qui est maintenant calme, même si elle est née de nouveau, la différence est Jésus-Christ. Don't judge them by the old. Richte sie nicht nach dem Alten. Donc quand tu juges les personnes, ne juge pas l'ancienne personne. Praise the Lord. Alléluia. In both sides. Auf beiden Seiten. Amen. The gentle and also the aggressive. Ob die Person, die temperamentvoll ist, oder die Person, die etwas ruhiger und zurückhaltender ist. Donc, les deux personnes, je dois les juger à travers Jésus-Christ et dans le nouvel aspect, dans la nouvelle création, que ce soit la personne qui est peut-être calme ou aussi la personne qui est agressive ou plein de tempérament. Extrovertiert ou introvertiert. How we are going to decide them is, you know, we decide different things in different ways. How we are going to decide them is by their choice. Are they choosing Christ fully? Are you getting it? Du kannst unterscheiden, die Geister unterscheiden durch die Entscheidung, die diese Menschen treffen. Encore une fois, on peut discerner les gens à travers leurs décisions, à travers leurs choix. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. We have to make sure we are no longer of the old. Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht mehr zum Alten gehören. But on this both sides. Amen. On doit être sûr qu'on est plus l'ancienne personne. Amen. Amen. And to be careful, you know, it's better to be quiet than to speak death. Es ist besser, ruhig zu sein, als tot auszusprechen. No. Proverbs 18, verse 21. Life and death is in your mouth. Denn Leben und Tod stecken in deinem Mund. La vie et la mort est... Ouais, donc on est sûr qu'on parle jamais charnellement. And those that are with us, our wife, husband, children, to learn to see us in the spirit. Und die Menschen, die mit uns sind, müssen lernen, uns im Geist zu sehen. Et les gens qui sont autour de nous doivent aussi apprendre à nous voir no longer the old, the new. Personne. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I want to quickly explain this to you because of this time. Amen. Amen. Your prayer for them should be that they are no longer of the old. Du sollst für sie beten, dass sie nicht mehr zum Alten gehören. Ta prière pour d'autres personnes doit être qu'ils soient nés de nouveau, qu'ils soient plus comme l'ancienne personne. Stop using the old eye to see them. Hör auf, sie mit den alten Augen zu sehen. Mais tu dois aussi arrêter de les voir avec tes yeux, avec tes anciens yeux. Stop seeing one another with the old eyes. Hört auf, einander so wie früher zu sehen. Donc on doit arrêter de se voir comme on était avant. Believe that you are both new creatures. Glaube, dass die alte Person tot ist und dass ihr jetzt beide neu seid. Donc on doit vraiment croire que vous êtes qu'on est des nouvelles créations. And also, please let us always learn to operate from the root. Und lasst uns lernen, von der Wurzel aus zu arbeiten. Et on doit aussi apprendre à commencer par la racine, à travailler Amen. Par la racine. Praise the Lord. Alléluia. And that is why the signing of the spirit is very very important. Deswegen ist die Unterscheidung der Geister sehr wichtig. Et c'est pour cela le discernement des esprits est très très important. Well, don't be fast to pray for people. Sei nicht schnell darin, für Leute zu beten. Donc tu dois pas être not the reason, not the motive, because the prayer you are to pray for people, if they are not saved, it's not the prayer of healing, it's the prayer of salvation. Wisst ihr, weshalb du für Leute betest? Weil wenn Menschen nicht wiedergeboren bist, hast du nicht für sie zu beten, dass sie finanziell abgesichert sind, nicht ins Krankenhaus kommen. It's not about money. My mother is in the hospital. Pray for her. Sicher vom Urlaub zu kommen. When your mother, you are not saved. Your mother is not saved. Sondern es geht darum, dass sie wiedergeboren werden. I will not pray that prayer. Donc quand on prie pour les gens, on doit d'abord connaître leurs motifs. Parce que si par exemple, une personne, un païen par exemple, te demande de prier pour cette personne, tu dois d'abord, ta prière pour elle doit seulement être qu'elle ait une relation avec Jésus-Christ, que cette personne soit née de nouveau et pas pour sa guérison ou alors pour sa prospérité ou quoi que ce soit. Praise the Lord. Hallelujah. To pray for people or to pray with people. Für Leute zu beten und mit Leuten zu beten. Sei nicht schnell daran. Donc, tu dois faire attention, tu dois pas être rapide quand il s'agit de prier pour ou avec les païens. I pray for people to have Christ and not to solve problems. Ich bete dafür, dass Leute Christus they haben. They have Christ, those problems are solved. Weil wenn sie Christus haben, sind diese Probleme keine Probleme. Are you getting it? Parce que moi, quand je prie pour les gens, je prie pas pour résoudre leurs problèmes ou quoi que ce soit, mais je prie pour qu'ils aient Jésus-Christ. Parce que quand ils ont Jésus-Christ, ils ont automatiquement aussi la solution à tout problème. Having Christ is problem solved. Christus zu haben bedeutet, dass das Problem gelöst ist. Avoir Jésus-Christ veut dire que le problème est résolu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, one time my husband was always saying, I will not pray for people on time. I said, yes, because I need the Holy Spirit to back any whatever I'm doing. Amen. I want something. Well, I will not want to do anything that is not coming from him. I'm not fast at that. You know, religion will just come to your house and start praying. I don't do that. Amen. Amen. Praise the Lord. Mein Mann sagt immer, dass bist du immer so zögerlich, wenn es darum geht, um für Menschen zu beten. Dann sage ich mir, ja, ich bete nicht ohne den Heiligen Geist, nicht ohne die Leitung des Heiligen Geistes, ohne die Einwilligung des Heiligen Geistes, weil religiöse Leute machen das. Sie setzen einen Fuß in deine Wohnung und fangen schon an, direkt zu beten, fremde Zungen zu beten für deine Wohnung und für all das. Aber ich stelle Fragen und lass mich schon mal den Geist leiten. Mon mari souvent me dit pourquoi tu veux, enfin, me disait pourquoi tu pries rarement ou tu pries jamais pour d'autres personnes. C'est la religion qui le fait. Ils peuvent te voir aujourd'hui, sans te poser de questions, ils vont prier pour toi, ils vont bénir ta vie, ta maison, quoi que ce soit. Or que moi, avant de prier pour quelqu'un, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Et c'est Ça, je le fais avec tout ce que je fais. Je me laisse toujours guider par le Saint-Esprit. Remember when Jesus was teaching the disciples how to pray. He said, don't pray like them. They love to pray. Are you getting it? They love to pray. Erinnert euch, als Jesus zu ihnen gesagt hat, Are you getting it, please? Betet nicht so wie die Pharisäer. Love the truth and not love to pray. Betet, betet nicht so wie die Pharisäer, weil die Pharisäer lieben es zu beten. Sie lieben es auch dabei gesehen zu werden, damit sie halt heilig und fromm wirken. Aber wir lieben es, uns auf den Herrn zu verlassen. Comme Jésus-Christ, par exemple, a dit aussi à ses disciples de ne pas prier comme les pharisiens, parce que eux ils le faisaient parce qu'ils étaient fiers, parce qu'ils étaient orgueilleux, comme ça les gens peuvent dire ouais, eux ils sont vraiment des enfants de Dieu, or que pour nous il s'agit de l'intérieur et pas de l'extérieur, parce qu'on a Jésus-Christ en nous et c'est pas notre prochain qui va le confirmer, mais c'est le Saint-Esprit lui-même. Jesus never called prayer the truth. He called knowing the truth the truth. Jesus had He never called prayer the freedom. That's what I want to say. He called knowing the truth. Acting on the truth is your freedom. Jesus hat nie gesagt, dass das Gebet die Freiheit ist, sondern die Erkenntnis über die Wahrheit, das ist die Freiheit. Parce que notre liberté n'est pas dans la prière, mais notre liberté est dans Jésus-Christ et dans la vérité et dans. Et que quand le Saint-Esprit nous révèle la vérité. Praise the Lord. Readiness is goodness. What Christ called goodness. Und das nächste ist Gutmütigkeit. Goodness. Le prochain, on parlait de la bonté. Until you know what Christ called goodness, you will clap for the goodness of this world. You have to discern the Spirit. Erst wenn du weißt, was Jesus Christus gut nennt, wirst du wissen, wirst du das, was diese Welt und Christus gut nennt, unterscheiden können. Quand tu comprends, ou alors quand tu sais ce que Jésus-Christ appelle bonté, là tu seras capable de discerner entre la bonté de ce monde et la bonté de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Remember, Peter, you will not die. That is God. You can see the God, the what they call goodness. Jesus, you know, he's full of the gift of the Spirit. Jesus, he could discern the Spirit behind it, behind that word that was coming out. And said, Satan, get behind me. Are you getting it? Jesus ist voll von der Gabe des Geistes, deswegen konnte er direkt den Geist hinter Petrus guten Worten erkennen. Jésus-Christ était comblé du Saint-Esprit, donc il était comblé donc automatiquement aussi des dons du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a pu directement discerner l'Esprit qui a parlé à travers Pierre quand elle a dit que tu vas pas mourir. The faith, God kind of faith. Gottes Glauben. La foi de Jésus-Christ. Then after faith is meekness. Und nach dem Glauben ist die Sanftmut. Après la foi, il y a la douceur. What are we seeing in told all this? It's you know you are to know them so that you are able to discern the Spirit. Wir müssen all diese behind whatever fruit they have. Wir müssen diese Frucht kennen, diese Früchte kennen. Are you getting it? Damit wir selber erkennen können, was bei den Menschen was in den Menschen vorgeht, wenn sie sprechen, welcher Geist da durch sie redet. Donc c'est vraiment très important de connaître les fruits de Dieu, les fruits de l'Esprit, afin de pouvoir les comparer aux fruits de ce monde et pouvoir distinguer. Faith, the faith on the finished work of Christ. Der Glaube an das fertige Werk von Christus. Are you getting it? La foi à l'accomplissement de Jésus-Christ. Amen. Amen. Faith on the finished work of Christ. The meekness. It is very, very important. It is very meekness. Die Sanftmut ist sehr wichtig. La douceur est aussi très importante. To believe and to accept all Christ called the truth. That is meekness. Das zu glauben, believe him in everything. Was Christus über dich sagt. Sorry, kannst du mal Pause drücken? Sanftmut hat viel mit Demut zu tun. Sehr gut. Praise the Lord. Donc la douceur a beaucoup et à faire avec a beaucoup à faire avec avec s'humilier. Meekness. Moses was the meekest man on earth. Moses war der demütigste Mensch auf Erden. Book of Numbers. Das schreibt er in 4. Mose. And Moses was not shy to write it. Moïse était l'homme le plus doux, l'homme le plus shy. You know what this one called? Qui s'est le plus soumis à Dieu. You are blessed. No, I'm not blessed. L'homme le plus humble. Und Mose hat das über sich selbst geschrieben und er hat sich nicht geschämt, das zu schreiben, weil er, weil der Herr es ihm gesagt hat, dass er es schreiben soll. Aber in dieser Welt gibt es halt diese falsche Demut, wo Leute dann halt nicht zugeben wollen, dass sie etwas sind. Amen. Et même si Moïse était humble, il était quand même capable de l'écrire dans la Bible, parce que il a été guidé par le Saint-Esprit, il a été guidé par Dieu, et il n'a pas, pas fait semblant, ou alors... comment on dit, genre il n'a pas montré une fausse orgueil ou alors une timidité qui n'était pas nécessaire parce que il a été guidé par le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. What Christ called things, whatever Christ called things is what you call them. That's how to be meek before him. The meekness of Christ, the humility. Die Sanftmut und Demut. You never see it in another way. You see it as he sees it. Amen. Die Sanftmut und Demut von Christus beruht darauf, dass wir alles so sehen und so nennen, wie der Herr es tut. Donc, être humble devant Jésus-Christ, être Matthieu 18. De tout accepter, et de tout dire comme Jésus-Christ l'a dit. Donc si Jésus-Christ dit de toi que tu es une personne riche en Jésus-Christ, tu dois pas essayer de changer les mots parce que tu te dis que peut-être ton prochain va pas bien l'accepter ou bien va mal le comprendre. Tu dois appeler les choses comme Alléluia. Matthieu 18, 4. Matthieu 18, 16. Maybe sometimes I have to take pillow to sleep before I wake up again and continue. 18, 4. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthieu 18, verse 4. Felix, can you help us to read? Matthieu 18, 4. Dann um sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, er ist der Größte im Reich der Himmel. Praise the Lord. Hallelujah. Here Jesus is talking about meekness. Jesus spricht hier über Demut. Là, Jésus-Christ parle de se soumettre. You humble yourself before Christ, before one another. Wir müssen uns voreinander demütigen. Wir müssen uns voreinander demütigen, Christus in uns. On doit se soumettre à Jésus-Christ et on doit s'humilier l'un vers l'autre. Amen. Amen. You humble yourself before the Christ. You know, Paul said, when I was with you, I was in. He said that. Is it not in? In. Let's go there, so that I don't misquote it. 1 Corinthians 2. 1 Korinther 2. 1 Corinthians 2. In fear. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians 2. 1 Korinther 2. 1 Corinthians 2. Are we there, please? Verse 3. 1 Korinther 2, Vers 3. He said, and I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Why? He was not afraid of them, but because you can see the humility before Christ. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch, nicht weil er Angst hatte, sondern weil er sich gedemütigt hat vor ihnen. Amen. Amen. Il n'était pas. Let me read it. 1 Corinthiens 2, 3. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Il n'était pas, cette crainte était parce que il était humble et s'est humilié devant ses frères et sœurs. Praise the Lord. Hallelujah. To humble yourself before one another It means the crucifixion of the flesh. Sich zu demütigen voneinander bedeutet die Kreuzigung des Fleisches. Se s'humilier devant ton frère ou ta sœur, ça veut dire crucifier sa chair. Let us quickly see how to crucify the flesh. Lass uns sehen, wie wir das Fleisch kreuzigen. Laissez-nous voir comment on crucifie la chair. Because the flesh is to be crucified. Weil das Fleisch muss gekreuzigt sein. On doit absolument crucifier notre chair. Amen. Amen. Amen. Humility means the crucifixion of the flesh. Demut bedeutet die Kreuzigung des Fleisches. S'humilier oder être humble, ça veut dire crucifier la chair. Amen. Amen. I will quickly explain it a little bit. How to crucify the flesh. Wie kreuzigen wir das Fleisch? Comment on crucifie notre chair? And which is also called the spirit of self. Das ist der Geist vom Selbst. Ce qui est aussi appelé l'esprit de soi. Amen. Amen. How to crucify the flesh, which is also called the spirit of self. Das Fleisch, was auch der Geist des Selbst ist. La chair qui est aussi l'esprit de soi. I hope you still remember what brought Satan down. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch daran, was Satan zum Fall gebracht hat. J'espère que vous savez encore pourquoi le diable a été chassé du what ciel. What was it? It was self. Das Selbst hat den Teufel zu Fall gebracht. C'était sa chair, c'était lui-même, c'était son soi qu'il a fait tomber du ciel. When he was Lucifer. Als er noch Lucifer war. Quand il était encore Lucifer. In John 3. Johannes 3. Dans Jean 3. Jesus help us to know how to crucify the flesh. Jesus hilft uns zu erkennen, wie wir das Fleisch kreuzigen. Jésus-Christ nous aide à comprendre comment crucifier la chair. In John 3:3, he said, if you are born again, until you are born again, once you are born again, then you can see the kingdom of heaven, the kingdom of God. Johannes 3:3 sagte, dass wenn du wiedergeboren bist, kannst du das Königreich des Himmels sehen. Dans Jean 3:3, il est écrit, Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Why is it that you can only see it? Wieso kannst du es nur sehen? Pourquoi tu peux seulement le voir? Because you are still full of flesh. Weil du noch voll bist vom you Fleisch. You are still full of yourself. Voll von dir selbst. Mm-hmm. Tu peux seulement le voir. Yeah. Tu peux seulement le voir parce que tu es encore rempli de chair, parce que tu es encore rempli de toi-même. If you are born again, you are still full of self. Wenn du wiedergeboren bist, bist du noch voll von dir selbst. Let's go to John 3. Johannes 3. Jean 3. Praise the Lord. Amen. Until. Quand tu es né de nouveau, tu es encore until rempli John de... 5. Until John 3, verse 5. Johannes 3, verse 5. Jean 3, verset 5. Praise the Lord. Amen. Amen. Until you are born of water and of the Spirit. Bist du von Geist and und Wasser cooperate with the Spirit. Und mit dem Geist kooperierst. Jusqu'à quand tu coopères avec le Saint-Esprit. Jusqu'à quand tu es né de l'Esprit. The Spirit of self will still be occupying you. Will totally be in action in your life. Until you are born of the Spirit. Der Geist von selbst wird dich immer noch kontrollieren. Born inside and outside. Wenn du innen und außen you go side. Nicht geboren bist vom Geist. L'esprit de soi va toujours t'occuper tant que tu n'es pas encore né du Saint-Esprit. And you are soaked inside. Your inside is Christ. Your outside is also soaked in Christ. Dein Inneres ist getaucht in Christus, weil du wiedergeboren bist, und dein Äußeres ist getaucht in Christus, weil du die Taufe des Heiligen Geistes hast. Parce que tu dois être plongé dans le Saint-Esprit, de l'intérieur et de l'extérieur. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit needs your cooperation. Der Heilige Geist braucht deine Kooperation. Le Saint-Esprit a besoin de ta coopération. Especially through speaking in tongues under grace. Besonders durch die besonders durch das in fremden Zungen sprechen in der Gnade. Encore une fois, le Saint-Esprit a besoin de ta coopération, surtout à travers à travers parler en langue, mais sous la grâce. So that you can live like that little child. Damit du wie dieses kleine Kind leben kannst. Mm. Afin que tu sois capable de vivre comme, comme ce petit enfant. Again, John 3:3. Just be born again, you will still be full of flesh. That's why you can only see the kingdom of heaven, this kingdom of God. You cannot enter. Wenn du nur wiedergeboren bist, wirst du das Königreich Gottes nur sehen und euch nicht eingehen, weil du noch voll vom Fleisch bist. Si tu es seulement né de nouveau, tu pourras seulement voir le royaume des cieux, mais tu pourras pas y accéder, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux, parce que tu es encore rempli de ta chair. Without humility, you cannot enter into the kingdom of heaven. Ohne Demut kannst du nicht in das Königreich Gottes eingehen. Sans te soumettre, sans t'humilier, tu vas jamais être capable d'accéder dans le royaume des cieux. In John 3, verse 5, look at it. It says, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Mm-hmm. You must be born of water, which is of the baptism of the Holy Spirit, and of the truth, the renewal of the mind, before you can enter into the kingdom of heaven. Du musst sozusagen die Taufe des Heiligen Geistes haben, bevor du in das Königreich eingehen kannst. Mm. Donc tu dois avoir le baptême du Saint-Esprit et tu dois renouveler tes pensées avant de rentrer dans le royaume des cieux. This is also called meekness, to be meek before Christ. Es bedeutet auch Sanftmut. What kind of meekness? Mm. Gottes Sanftmut. Ça c'est un exemple de la douceur sous Jésus-Christ. It is one of the fruit of the Spirit. Galatians 5:22-23. C'est une fruit des Geistes. C'est un des fruits de l'esprit. Qui vient Galates 5 lire. Qu'on a vu dans Galates 5. If you look at John 3:5, yeah, it's talking about humility. Und in Johannes 3:5 geht es um die Demut. Dans Jean 3, verset 5, il s'agit de s'humilier, de l'humiliation. Which is the crucifixion of the flesh. Und das ist die Kreuzigung des Fleisches. Et ça, c'est c'est comme ça que tu crucifies ta chair. If your flesh is still active, you cannot humble before Christ. Wenn dein Fleisch immer noch aktiv ist, kannst du dich vor Christus nicht demütigen. Mm. Parce que si ta chair est encore là et encore active, tu n'es pas capable à te soumettre, à t'humilier devant Dieu. Amen. How do we know that? Wie wissen wir das? Comment on le sait? Amen. Amen. You know the Holy Spirit. He took me to Matthew 18:3-4. Let's go to Matthew 18 again. Matthäus 18:3-4. Encore une fois, Matthieu 18:3-4. No, you are told. You know, let you just go on yourself. Read John 3:5 and Matthew 18:3-4. Matthäus 3:5 und Matthäus 18:3-4. The same, the same thing. Both. Donc, these two places. Matthieu 18, 3, 4 et Jean 3 et 5 disent la même chose. Praise the Lord. Hallelujah. Matthieu 18, 3 et 4. He said, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Without the Holy Ghost, you cannot humble yourself. John 3:5. Kannst du dich nicht demütigen? Are you getting it? Mm. Johannes 3:5. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'humilier. Ça, on voit ça dans Matthieu 18:3-4 et Jean 3:5 nous dit la même chose. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3, it says, and verily, I say unto you, except you be converted and become as little children, you shall not enter. Can you see this enter again? Eingehen. Until you are like a little child, you cannot enter. Erst wenn du wie ein kleines Kind bist, kannst du eingehen. Donc quand it's not when you are born again, but you have to become like a little child to be able. Once you are born again, you can see, but you cannot go there. But once you are not like a little child, the Holy Ghost is to help you to become like that little child. Mm. Without the Holy Spirit, you cannot live that life. Mm. And once you are not like that, then you can enter. That's what Jesus is saying here. Amen. Der Heilige Geist zeigt dir, wie du ein Kind sein kannst. Wenn du dieses Kind bist, dann gehst du auch in das Königreich Gottes ein. Mhm. Matthieu 18, verset 3. Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, sans renouveler tes pensées, sans devenir comme un petit enfant, tu n'auras jamais accès au royaume des cieux. Et ça, on le voit dans Matthieu 18 ici et tout aussi. Là, c'est la même chose dans Jean 3, 5. You can see that both are revealing to us how to enter into the kingdom of heaven. Beides offenbart uns, wie wir in das Königreich des Himmels eingehen. Tous les deux nous révèlent comment entrer dans le royaume des cieux. And also to live there. Und wir dort leben. Et comment aussi y vivre. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. The kingdom of heaven is what is where Christ wants us to be. Das Königreich des Himmels ist der Ort, an dem der Herr uns haben möchte. Le royaume des cieux, c'est l'endroit où notre Seigneur veut qu'on ait, veut qu'on soit. He wants us to live there, not to be living there. It is not after we die, from here. Er möchte, dass wir dort leben, nicht erst, wenn wir sterben, sondern von hier an schon. Il veut qu'on soit qu'on y vit, mais pas après notre mort, mais maintenant déjà. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. One of the job of the Holy Spirit is to help us to humble ourselves. Eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns zu helfen, uns zu demütigen. Mm. Une des fonctions du Saint-Esprit est de nous aider à nous soumettre à Jésus-Christ, à être humble. To destroy the spirit of self, of pride. Der Geist des Selbst zu zerstören, von Stolz. Il nous aide à détruire l'esprit de soi, l'esprit d'orgueil. Amen. Mm. And that's why you are not to ignore the Holy Spirit. If not, that spirit of pride will destroy you. Mm. Will overpower you. Und so dieser Geist. We can see it in some people's lives that just left the church some time ago. Uns überwältigen. Und you can see das. The spirit of pride. They reject, they ignore the Holy Spirit. And the spirit of Christ occupied them. Pride. Okay. Pride. Sie ignorieren den Heiligen Geist und der Geist von Stolz umgibt sie dann. Mm. On peut voir que si tu n'as pas le Saint-Esprit, que l'esprit d'orgueil va t'occuper et va te pousser à complètement rejeter le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on peut voir dans la vie des gens qui viennent quitter notre ministère il n'y a pas longtemps. The spirit of self is very, very powerful. Der Geist vom Selbst ist sehr stark im Leben der Menschen. Parce que l'esprit de soi a une grande influence et est vraiment puissant dans la vie des êtres humains. It is not just self. There is spirit behind it. Es gibt einen Geist dahinter. Ouais. Il y a un esprit derrière cette fierté. And that's why you need another spirit, greater than that spirit, to destroy that. Amen. To overcome it. Amen. To overpower it. If not, once you ignore the Holy Spirit, the spirit that's supposed to be there to help you to overcome the spirit of self, you will, you know, once you ignore it, you will embrace the spirit of flesh. Wenn and it will destroy you. Den Heiligen Geist ignorierst, wirst du den Geist von Ignoranz sozusagen annehmen und dieser Geist wird dich zerstören. Mm. T'as besoin d'un, enfin, comme on vient de dire, derrière cet orgueil, derrière cette fierté, il y a un esprit. Et c'est pour ça que t'as besoin du Saint-Esprit, d'un esprit qui est plus grand que cet esprit-là d'orgueil, de fierté, qui va t'aider à chasser cet esprit, à détruire cet esprit. Please don't ignore the Holy Spirit. Ignoriere bitte nicht den Heiligen Geist. Es ist sehr wichtig. S'il vous plaît. On doit toujours considérer le Saint-Esprit, jamais l'ignorer. You can see what brought the couple that we are once here down. Ihr seht, was das Ehepaar, was einst runtergezogen hat. Sie haben den Heiligen Geist ignoriert und wurden voll von sich selbst. Parce que on peut voir ce que ramène l'ignorance du Saint-Esprit. Tu seras rempli de soi-même et tu seras comme le couple qui nous a quittés, malheureusement. And that's why it's good to discern the spirit that is working in you. Mm. Not to bring you down, but to push to bring you to Christ. Amen. Mm. Are you getting it? Deswegen ist es gut, den Geist zu erkennen. Nicht damit man einen runterzieht, sondern um dich zu Christus wiederzubringen. Mm. Et c'est pour ça qu'il est très important de discerner l'esprit que tu as en toi. Parce que si tu t'humilies devant Jésus-Christ, ça te rapproche vers lui. The absence of the Holy Spirit will be the evil spirit. Die Abwesenheit des Heiligen Geistes wird die Gegenwart des bösen Geistes bedeuten. Parce que l'absence du Saint-Esprit veut dire la présence de mauvais esprit. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Our relationship with Christ starts from here and not until we die. Unsere Beziehung mit Christus fängt hier an und nicht erst, wenn wir sterben. Parce que notre relation avec Jésus-Christ commence ici sur terre et pas après notre mort. And that is the kingdom of heaven that we live today. Das ist Königreich, in dem wir jetzt leben. Et c'est pour cela qu'on est déjà membre du royaume des cieux. C'est pour ça qu'on vit déjà dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Now from verse 5 of Matthew 18. Now you know, reveal the benefit of being like that little child. Und ab Matthäus 5 lesen wir dann was. Ab Matthäus 18,5 lesen wir dann, was der Vorteil davon ist, wie dieses Kind zu sein. Mm-hmm. Et dans Matthieu 18, verset 5, on peut maintenant voir quels sont les Vorteile, les avantages qu'on a quand on est comme cette petite enfant. Praise the Lord. Alléluia. And the next of Galatians 5:23, got kind of temper. Amen. Christ control and not self-control. Und eine weitere Frucht ist, dass Christus unser Selbst kontrolliert, Selbstbeherrschung ist und nicht, dass das Fleisch die Selbstbeherrschung ist. Mm. Et quand on voit dans Matthieu, non, dans Galates 5, quand on parle de la maîtrise de soi, cette maîtrise ne vient pas de notre chair, mais c'est Jésus-Christ qui nous maîtrise, on peut dire. Ouais. Praise the Lord. Alléluia. The Holy Spirit control and not evil spirit control. Der Herr herrscht und nicht ein böser Geist. Parce que c'est notre Seigneur qui règne et pas un mauvais esprit. In Christ's word is all the fruit of the Spirit. In Christ's word is words. Also in den Worten von Christus sind ist die Frucht des Geistes, alle Frucht des Geistes. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tous les fruits de l'esprit. And you have all if you really belong to Christ. Und du hast alle, wenn du wirklich zu Christus gehörst. Et toi aussi, tu les as toutes, si tu appartiens vraiment à Jésus-Christ. All they need from you to manifest is exercise. You exercise yourself in the spirit. There is the physical exercise. There is also the spiritual exercise. You believe Christ. You act on it. You are exercise. You are in. You are. That's how you exercise. Es gibt physisches Training und es gibt geistliches Training, die Frucht des Geistes anzuwenden. Mm. Et pour pouvoir voir la manifestation, il faut s'exercer dans l'esprit. Il y a des exercices physiques, mais aussi des exercices spirituels. Et c'est comme ça qu'on s'habitue à les dons du Saint-Esprit. Stop believing what Christ teaches. You know, stop believing it and call those things. Don't try to put it in another way. What you call it evil. It is exercise. You are exercising in the spiritual realm. Wir trainieren im Geist, wenn wir lernen, das Böse zu nennen, was Jesus böse nennt, das Gut zu nennen, was Jesus gut nennt. Mm. C'est un exercice, par exemple, quand on appelle les choses comme Jésus-Christ les appelle. Parce que quand Jésus-Christ dit c'est mauvais, nous aussi on dit que c'est mauvais, c'est automatiquement un exercice. Tout comme quand il dit que quelque chose est bon, nous aussi on dit que cette chose est bonne, là automatiquement on s'habitue à Jésus-Christ, on s'habitue et on s'exerce à voir les choses spirituellement. It is only then that the sign, the gift of the Spirit can be, you can see the manifestation in your life. Nur dann kannst du die Manifestation von Gottes Geist in deinem Leben sehen. Et c'est seulement après cela que tu seras capable, plutôt que les dons du Saint-Esprit vont se manifester dans ta vie. It is, let me use your body as an example. It's like your body. Mm. C'est comme ton corps. C'est comme vos corps, par exemple. You already have muscle. Tu as schon muscles. Everyone is born with muscle. Jeder ist mit Muskeln geboren. Tu as déjà les muscles. Chacun d'entre nous est né avec des muscles. The more you exercise, the more is coming out. It's growing. Mm. It's getting bigger. It's not that it's just coming there. You are born with it. Are you getting it? Mm. So also we have, you know, the Christ in us, he's already there. Amen. He need our cooperation to come out. Genau, jeder ist mit Muskeln geboren, aber du musst diese Muskeln trainieren, damit man diese Muskeln auch sichtbar in deinem Körper sieht. Und genauso ist es auch mit Christus. Christus ist da, aber du musst im Geist trainieren, damit man auch die Manifestation des Geistes in deinem Leben sieht. Chacun d'entre nous est né avec des muscles, mais si tu entraînes pas ces muscles, il n'y aura pas de croissance. Tout comme avec Jésus-Christ, chacun de nous a Jésus-Christ en lui, dans son esprit. Mais si tu n'entraînes pas ton esprit, ça ne sera jamais visible, ça ne va jamais se manifester. Praise the Lord. Hallelujah. All the fruit of the Spirit, we have them already. Die Frucht des Geistes haben wir schon. Christ in us. Amen. Durch Christus in uns. À travers la parole de Dieu, on a déjà tous les fruits de l'esprit. Christ already living inside us. Christus lebt schon in uns. Jésus-Christ vit déjà en nous. Amen. Amen. Amen. And his fruit is already there, but they need to come out. Ist schon da, aber sie muss rauskommen. Et ses fruits sont déjà là, mais ils ont besoin de se manifester de sorte. Amen. Amen. Amen. One of the fruit is also called patience. Eine Frucht ist auch Geduld. Un de ces fruits aussi est aussi la patience. We don't have patience through problems. We have patience through Christ. Amen. Wir haben nicht Geduld durch Probleme, sondern Geduld durch Christus. On n'a pas. Are you getting it? On n'a pas de patience à travers les problèmes. On a la patience à travers Jésus Christ. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. In verse 24 of Galatians 5, it says, "And if you are of Christ, the flesh is crucified." If you see it, go there. Amen. Mm-hmm. He said, if you belong to Christ, if you allow your focus to be Christ, the flesh will be crucified. Wenn du zulässt, dass dein Fokus auf Christus ist, wird dein Fleisch gekreuzigt sein. Amen. Amen. It's not by cutting your body with cutlass or with whatever, with blades or with you know crucified. That you crucify. If your focus is Christ and you continue to exercise it, that your focus should be continue to be in Christ, your flesh should be crucified. Ja, und dieses sein Fleischkreuzigen ist nicht das Geißeln, was die katholische Kirche oder irgendwelche anderen Sekten versuchen, einem unterzujubeln, sondern es geht wirklich um das Training im Geist. Mm. Donc, et quand on parle de crucifier la chair, il s'agit pas de choses charnelles, de choses qu'on doit faire physiquement, mais c'est un exercice spirituel qu'on doit faire. Praise the Lord. Alléluia. The Spirit needs your cooperation. The Holy Spirit needs your cooperation. Der Heilige Geist braucht deine Kooperation. Le Saint-Esprit a besoin de ta coopération. So that he can help your flesh to be crucified. Damit er deinem Fleisch helfen kann, gekreuzigt zu bleiben. Afin qu'il peut t'aider à crucifier ta chair. Without the help of the Holy Spirit, no flesh can be crucified. Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes kann kein Fleisch gekreuzigt sein. Parce que sans l'aide du Saint-Esprit, aucune chair peut être crucifiée et rester crucifiée. Just like we have all the fruit of the Spirit, so also we have all the gifts of the Spirit. Und genauso haben wir auch alle Gaben des Geistes schon. Kooperation. Praise the Lord. Alléluia. Sorry. Tout comme on a tous les fruits de l'esprit en nous, on a aussi tous les dons de l'esprit en nous. Again, all the gifts of the Spirit are very, very important for us, especially discerning of spirit. All die Gaben des Geistes sind sehr wichtig, besonders das Unterscheiden der Geister. Donc, et encore une fois, tous les dons de l'esprit sont très importants pour nous, mais surtout le discernement des esprits aussi. Without it, we will be easily deceived by Satan and his lies. Weil ohne werden wir sehr schnell in die Irre geleitet von Satan und seinen Lügen. Parce que sans ce don, on sera très très rapidement confus par le diable. Amen. You know, if you look at Matthew 16 again, how did I just Satan, you know, that time Jesus told the Lord that he was able to discern the spirit behind what Peter said. Ich denke dem Herrn, dass in der Lage war, the word of this word, den Geist unterscheiden bei Petrus unterwegs war. Je remercie l'Éternel que Dieu, que Jésus-Christ a été capable à discerner l'esprit qui était derrière Pierre quand il a dit qu'il ne va pas mourir. Satan wanted to deceive Jesus with the good of this world. Der Satan wollte deceive Jesus with the good of this world. Jesus auch versuchen mit dem Guten dieser Welt. Parce que le diable a essayé de tenter Jésus-Christ avec le bien de ce monde. You will not die, positive speaking. Du wirst nicht sterben, positives sprechen. Parce que quand quelqu'un te dit que tu vas pas mourir, charnellement c'est quelque chose de bien. Again, we don't think or speak positive. Wir denken und sprechen nicht positiv. We speak Christ. Wir denken Christus und wir sprechen Christus. Amen. On pense Jésus-Christ et on parle Jésus-Christ et on pense pas positivement comme le monde le fait. Religion is full. It's occupied with positive speaking. Religion ist voll von denn Christus ist voll, denn die Religion ist voll von positiven Denken und Sprechen. Parce que la religion est remplie de pensées positives et de paroles positives. John 6:63, the flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. Positive speaking, thinking, they are of the flesh. Das positive Denken und Sprechen ist am Fleisch. Discerning of the spirit. Of spirit means to know the spirit. You are dealing with. Es geht darum, den Geist zu kennen, der vor dir ist, der zu dir spricht. Donc, il s'agit de reconnaître, de savoir quel esprit te fasse, quel esprit est devant toi. If it is Christ or Satan. Ob es Christus ist oder Satan. Est-ce qu'il s'agit du diable ou il s'agit de Jésus-Christ? Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. We have to discern everything. Wir müssen alles unterscheiden. On doit tout discerner, pardon. Is it Christ or Satan? Ist es Christus oder der Satan? Est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ ou du diable? It is not only you that discern. Nicht du unterscheidest. C'est pas toi qui discerne. C'est pas seulement toi qui discerne. Satan also discerns the spirit. Der Satan unterscheidet auch Geister. Le diable aussi discerne les esprits, mais on va continuer avec ce passage le mercredi. Amen. Satan also discerns the spirits. Der Satan unterscheidet auch Geister. Le diable aussi discerne les esprits. Remember Jesus, I know. Paul, I know. Who are you? That's the signing of the spirit. Erinnert euch, als der Satan gesagt hat, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich, wer bist du? Rappelez-vous que quand le diable a dit à travers l'homme, Paul, je connais, Jésus-Christ, je connais, mais qui est toi? Are you getting it? You know, religion, he was able, he saw Jesus, he went to worship him, he discerned the spirit. He knew the spirit, that the spirit is different. Oh, Satan also have the gift of the spirit, all those gifts. And that's why having those gifts is not salvation. We'll start from the Wednesday. Genauso auch wie der Legion, diese Dämonengruppe, sie erkannten Jesus, haben ihn sofort erkannt, weil sie den Geist unterscheiden konnte. Und deswegen ist dieses Geisterunterscheiden nichts, was ausschlaggebend für deine Errettung ist, weil auch Dämonen können das, auch Satanisten können Geister unterscheiden. Faut savoir que le diable aussi possède les don du Saint-Esprit. Tout comme les démons, par exemple, dans la Bible, ont pu à chaque fois reconnaître Jésus-Christ parce qu'ils pouvaient discerner les esprits. Mais ce qui veut aussi dire que juste parce que tu connais ou alors tu as les dons du Saint-Esprit ne veut pas dire qu'automatiquement que tu es sauvé. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, Satan was he was still full of wisdom. Yeah, though it's polluted. Der Satan ist immer noch voll von Weisheit, obwohl er verunreinigt ist. Er ist voll von den Gaben, aber immer ist verunreinigt. Mm. Comme le diable, par exemple, il est rempli de il a encore la sagesse, il a encore les dons du Saint-Esprit, mais tout cela a été pollué. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us stop here.